tous les soirs après l'émission, on a ce fameux passage d'antenne avec celui que l'on nomme Mickaël pour Nos Limites jusqu'à 2h du mat. Bonsoir Mickaël. Comment ça va ce fameux passage d'antenne? Tout à fait. Effectivement, est-ce que la régie est prête? Eh bien écoute, oui, elle est prête. Parfait. Du côté de chez nous, est-ce que la régie est prête, Kassim? Voilà, la régie est prête des deux côtés? Oui, oui. Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Bon, parfait. Non, non, la régie n'est pas prête. Ah merde. On nous dit que Kassim, y a-t-il un petit problème pour peut-être passer l'antenne à Mickaël ce soir? Non, pas. De toute façon, avec Kassim, il y a toujours un problème. Bon, il n'y a pas de problème. Non. Et ce soir, d'ailleurs, avant de terminer cette semaine, j'aimerais qu'on applaudisse tous Kassim parce qu'il n'a pas fait blanc ce soir. Non, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Depuis le 19 août, là, c'est pas mal. On en est à 17 blancs seulement. Et moi je te félicite. C'est bien. Mickaël. C'est quoi, c'est notre radio qui vous l'a filé ou? Non, mais à la base, c'est vrai qu'il venait de Nostalgie. Ah, hein, c'est ça. Il c'est a ça. Fallu un long travail avec Kassim. Bah ouais, évidemment. Mais laissez-le, c'est mon préféré. Oui, laissez-le, c'est vrai. Écoute, il est brave. Oui, voilà. Plus que brave. Un chouette garçon. Bon, bah, bonne soirée tout le monde. Top. Bisous. Voilà, bon week-end au doc également. Hein. Oui, merci. Au revoir. Bon week-end au revoir. Doc. À lundi. Allez, ciao à vous et puis nous. Bah, c'est parti, on est en direct là sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. C'est Mickaël de Limite. Ciao. 23h, 2h. Fuck. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh ben j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là c'est parti pour la dernière de la semaine. Ah, vous allez nous manquer pendant deux jours. Ah oui. Bon, je vous cache pas que je suis content d'être en week-end aussi. Hein. Faut quand même pas non plus déconner. Non mais c'est vrai. Je suis pas faux cul. Autant vous le dire. Je vais être triste, mais quand même je suis content. Bon, pour tous les nouveaux qui viennent de découvrir l'émission ce soir, soyez les bienvenus. Moi c'est Mickaël. Je suis là tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat et puis le dimanche également de 20h à minuit. Si vous voulez me rejoindre, eh ben, il suffit de faire comme Guilhem qui est avec nous d'ailleurs là. Bonsoir Guilhem. Salut. Hey, salut, ça va? Ouais. Bah écoute, plutôt tranquillement, ouais, ça va. Nous c'est la dernière de la semaine, donc toi moins évidemment, demain t'as cours, toi c'est ça? Ouais, c'est la galère. Écoute. Oh, ça arrive même au meilleur, t'inquiète pas. Bon, de quoi tu nous appelles, pourquoi toi? De quoi on va parler avec toi Guilhem? Bah, des trucs, des astuces pour tricher. Ah, et tu as frappé la bonne porte. Car nous avons de bons trucs, ne t'inquiète pas. Nous sommes de grands spécialistes. Ah oui, oui, oui. Si vous avez des bons conseils pour la triche, n'hésitez pas, il y a Guilhem. Quoi, t'as un contrôle demain déjà? L'année dernière, j'ai beaucoup usé de la triche en fait. D'accord, ok, très bien. Donc cette année, t'as passé, donc forcément, comme t'es passé dans l'année au-dessus, bah forcément, t'es en galère puisque tu ne connais pas le programme de l'année d'avant. Non, pas du tout. Je m'étonne pas. Bon, bah très bien. Si vous avez des bons conseils pour la triche, là, n'hésitez pas. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. N'hésitez pas, bien entendu. Et vous pouvez appeler Kelly et Lilou qui sont là. Le poulailler est en pleine forme. Le poulailler est au taquet. Très bien. Voilà, le poulailler est au taquet. Kelly travaille. Lilou branle rien, comme vous avez pu remarquer. Hein. D'habitude, en même temps, je suis voilà. Branleuse. Bah, exact. D'accord, ok, c'est noté. Je note ça. Hein, c'est... Voilà, on peut noter ça, 23h03. Déjà, ça commence bien l'émission. Là, hop là, ça, on va garder, hein, c'est pour nous. Bon, si vous voulez réagir, donc Lilou et Kelly vous attendent au standard. Et puis, si vous voulez des stickers également, lilou@funradio.fr. Oui. Vous n'oubliez pas, évidemment, de mettre vos coordonnées. Fois. Vous l'envoyez en double pour être sûr. Et puis, si jamais vous ne recevez pas de réponse d'ici à minuit, bah, vous refaites un mail pour être sûr qu'elle est bientôt reçue. Voilà. Hein, je tiens à dire quand même que j'ai répondu à tout le monde. C'est beau. Ouais. C'est beau. Bon, il y avait deux personne, mais Non, trop pas, il y avait trop de mails, j'ai une crampe au doigt. Oh. Vraiment. Ouais, mais c'est pas pour la même raison la crampe au doigt. Hein. Elle a répondu à tout le monde, copier-coller. Ouais. Ah, t'as fait un copier-coller. Trop pas. Ah, bouh. Un copier-coller. Il y avait plus de 400 mails. Et alors c'est énorme. Bon, je compte sur vous pour faire plus de 400 ce soir. Hein. Donc, lilou@funradio.fr. Et si vous soupçonnez que c'est un copier-coller la réponse, n'hésitez pas à lui demander une réponse personnalisée, voilà. Bien entendu. Envoyez-lui. Et vous laissez vos coordonnées complètes pour avoir les nouveaux stickers de l'émission. Stickers que vous pouvez d'ailleurs voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui ne les ont pas encore vus, pardon, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Surtout, n'hésitez pas. Bon, et puis on va également saluer notre ami Toff, qui est venu évidemment en pleine forme avec son scooter. Mais évidemment. Voilà, au taquet bien sûr, hein, Toff qui vient de garer la mobilette devant la radio, donc elle est bien stationnée là, c'est parfait. Polo qui a sorti le pipeau de son étui. Ouais, il est nettoyé, stické, ouais. On y va. Allez. tout simplement. Et attention, surprise au niveau du pipeau ce soir, avant 2h du matin, révélation. On va vous en parler. Et ouais, révélation, ouais. Nous avons également un duo de pipeau et d'un grand artiste que vous connaissez bien sur Fun Radio. Ce sera Backer Matt, ouais. Je vous en dis pas plus. Merci à un auditeur qui m'a rencardé là-dessus. On aura l'occasion d'écouter du son d'ailleurs ce soir évidemment avec Will.i.am. Voilà, Will.i.am et Miley Cyrus. Miley Cyrus qui a un nouveau clip d'ailleurs, hein, que je vous ai mis dimanche sur le Facebook de l'émission. Là, le but du jeu évidemment c'est d'arriver à la regarder dans les yeux. Et sans bouger quoi. Enfin, personne, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais après chacun son délire. Hein. Donc facebook.com/Mickaël officiel. On écoutera aussi le son de Sébastien Ingrosso. Et puis si vous voulez choisir un titre, surtout n'hésitez pas, hein, vous êtes chez vous ici le soir sur Fun Radio de 23h à 2h du mat, vous mettez le hashtag M-I-K-L avec le message que vous voulez et puis la chanson que vous voulez écouter aussi. On m'a demandé aussi tout à l'heure la Fédé Legrand, on l'avait pas encore mis, on va le faire découvrir ce soir, écoutez bien. La reprise de Prodigy avec No Good. Voilà, Fédé Legrand tout à l'heure, la reprise de Prodigy avec No Good sur Fun Radio. Et donc vos propositions, vous n'hésitez pas, hashtag et Mickaël maintenant sur Fun Radio et le Twitter évidemment qui fonctionne avec le titre que vous voulez choisir. Surtout n'hésitez pas, on salue également tous ceux qui sont connectés là sur le Facebook et le Twitter. Il y a Max27 qui dit les pipeaux de Polo, il est trop bien. Il y a Simog aussi qui dit un coup de pelle pour Lilou pour commencer l'émission. Et bien, écoute avec plaisir, tiens, Lilou. Voilà, dans ta gueule, ah. Voilà, c'est fait, c'est parce que t'es arrivé avec une minute de retard. Colin aussi qui dit c'est un joueur de pipeau professionnel maintenant, le polo, exactement. Ouais. Et Camille avec un cas qui dit dans ma classe, il y avait une meuf qui écrivait tout son cours sur une feuille de brouillon avant le contrôle. Bon, bah ouais, très ça, bien. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Bah évidemment, voilà, tout le monde a déjà fait ça. Donc on va en parler dans un instant pour les bonnes astuces de triche. Côté cadeau, on a aussi des casques ce soir à vous offrir, les casques de DJ et bien sûr les iPod Nano, ce sera dans la colle. La colle, évidemment. Guilhem, t'as déjà joué à la colle? Non. Non, t'as déjà entendu la colle au moins? Tu arrives à répondre aux questions d'habitude ou pas? J'ai entendu un truc de la colle. On rentre par un trou et on en sort par deux. Mais ah oui, c'était un pantalon si mes souvenirs sont bons. Tu es trop fort, voilà. Mickaël. Ouais, je trouve aussi, moi-même, je me trouve bon. D'ailleurs, pour la peine, dans la gueule de Toff. Voilà, il le méritait de toute façon, oui. Hein. S'il le sait pas, nous on le sait. Bon, alors, Guilhem, attends, il y a Jonathan qui est là aussi. Salut Jonathan! Salut. Comment ça va? Bien et tout. Bon, écoute, ma foi, tranquillement, là, 23h07, on est en direct sur Fun, tranquillement, jusqu'à 2h du mat. La vie est belle. Tranquillement, quoi, Jonathan, voilà. T'appelles de Metz, toi, ça va bien? Oui, ça va. Le temps est beau à Metz aujourd'hui, il a fait beau, hein? Magnifique. Pas trop. Oh, il a fait un tour d'automne, quoi, toutes les feuilles tombent, c'est une angoisse totale. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Bon, on va se faire la petite... colle ce soir, là, Jonathan? Oui. Bon, très bien. Alors attention, Jonathan, le principe est simple, tu vas poser une colle. Si les auditeurs trouvent la bonne réponse, à eux de jouer évidemment en s'inscrivant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il suffit de cliquer sur le petit logo où il y a l'iPod Nano, hein. Je vais le mettre d'ici une ou deux minutes. Et vous allez pouvoir répondre donc à cette colle immédiatement sur le Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous allez pouvoir aussi envoyer Mickaël par SMS au 64 900, et pour la Belgique au 63 22 en envoyant également Mickaël et la réponse. Alors vas-y Jonathan, on t'écoute. Alors elle est un petit peu longue, donc j'ai un petit peu prendre le temps. D'accord. Alors, c'est non, là tu vas rien prendre le temps du tout parce qu'on comprend rien Jonathan. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu plus de réseau? Là vous m'entendez mieux? Bouge encore un peu. Est-ce que tu peux te mettre sur un pied? Voilà, mets-toi sur un pied, lève la main pour faire antenne. Voilà. Ouais, c'est mieux, ouais. Ah, c'est mieux, là, vas-y. Alors, c'est un homme qui habite au 13e étage d'un immeuble. Ouais. Quand il veut descendre, il appuie sur le 0. Ouais. Mais pour remonter, il appuie sur le 6 et monte le reste à pied. Pourquoi? D'accord. Bon, alors, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Donc, un homme habite au 13e étage d'un immeuble. Pour descendre, il appuie sur le 0, normal. Pour remonter, il appuie sur 6. Et le reste, il le fait à pied. Pourquoi? C'est ça? Oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Je vous mets la petite photo avec l'iPod et la question. Vous allez pouvoir répondre en laissant un commentaire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, vous allez pouvoir répondre par SMS aussi en envoyant MIKL et la réponse tout simplement au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bon, eh ben, on te reprend tout à l'heure, Jonathan, d'accord? D'accord. Parfait, ne bouge pas de là. Et puis nous allons avoir Alexandre qui est là également, là, Alexandre de Motoban. Salut Alex. Salut. Salut, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Bon, très bien. Alors, dis-moi, Alex, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? T'appelles pourquoi, dis-moi? Bah parce que je relevais un défi. Tu veux relever un défi? Bah j'ai déjà relevé le défi quoi. Ouais. Donc réveiller mes parents. Attendez, parce que je sais pas, il y a un problème avec le standard ou c'est tout le monde qui a du réseau en bois ce soir? Alexandre, ne bouge pas, nous allons te reprendre dans un instant parce que là, ni Jonathan on a bien compris, ni toi. Donc ça va pas être facile. Guilhem, toi, t'entends bien toi, Guilhem? Parfait. Ouais, ouais, ça a l'air, effectivement, ouais. Ouais, bon. C'est parce que lui, il est un bon opérateur, c'est pour ça. Ouais, peut-être, ouais. Bon, on va parler de la triche également ce soir. Hein. Donc, si vous avez des conseils éventuellement enfilés à Guilhem, là, surtout, n'hésitez pas, bien entendu. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous appelez évidemment les filles au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Vous tomberez évidemment sur Kelly et sur Lilou au standard ce soir jusqu'à 2h du mat. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, souvenez-vous, Toff avait appelé pour... Eh bien, voilà. C'était quoi l'excuse encore? Le truc encore? C'est de le plus petit sexe d'Europe. Oui, les couilles, c'était avant-hier le plus petit sexe d'Europe, effectivement. Et nous avions appelé un moment encore. C'est bah. Alors, écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, ça avait donné ça. Oh, le monsieur était très charmant, hein. Trop charmant. Extrêmement charmant. Bref, la classe. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais. Oui, voilà. En fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. Vous devez faire une erreur là, non? Ah non, pas du tout. Et en fait, je voulais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon? Non, je voudrais connaître la taille de votre bite. Ah, te faire un cul au PD, voilà, je vous avais dit, il était super cool, le mec, vraiment gentil et tout. Il était cool, quoi. Ah, te faire un cul au PD, bon, tout de suite, on arrivait avec les grands mots. Mais oui, alors que moi, j'appelais gentiment, dans la sympathie. La bien sûr. À te faire enculer au PD, voilà. Voilà, il était super gentil, quoi, vraiment. On appellera d'autres personnes tout à l'heure, évidemment. Si vous avez des numéros pour nous, n'hésitez pas aussi à les transmettre à Kelly, à Lilou au standard. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Alors, plein de messages qui arrivent aussi pour la triche, là. C'est parfait, on va en parler dans un instant. Guilhem, rassure-toi, tu es sauvé. Nous avons plein de trucs pour toi. Ah oui, eh oui, ne bouge pas de là. Guilhem, donc on va revenir dans un instant avec le son de Will.i.am. Hein. Je vous l'avais promis, il va arriver dans un instant sur Fun Radio, c'est Fall Down avec Miley Cyrus. Voilà, Will.i.am avec Fall Down et puis ça y est, hein, vous pouvez dès maintenant évidemment aller balancer tous vos messages, toutes vos réponses sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel si vous voulez choper votre iPod Nano. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bon, alors Guilhem, le retour. Ouais. Alexandre, est-ce qu'on arrive à mieux entendre Alexandre là ou pas, Alexandre? Oui, oui. Oui, très bien. Là, apparemment, on t'entend mieux. Là, bon, bah, c'est parfait. Bon, Alexandre, tu nous appelais pourquoi? Bah, comme hier soir, vous étiez sous la soirée en top 8. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Mais merci à vous, d'ailleurs, hein, pour le coup. Effectivement, on était là jusqu'à 2h30. Ça fait plaisir. Et donc, comme on était en top 8 toute la soirée, quoi? J'aimerais relever un défi, quoi. Parce que nous on est au top 8, tu relèves le défi. Moi je trouve ça bien. Ça c'est bien, moi j'aime bien ce concept. Non, moi je trouve ça cool, vraiment gentil de ta part et tout. Non, top sympa quoi. Ok, tu veux relever quoi comme défi? Ben, mon défi c'est de faire lever ma mère alors qu'elle est en train de dormir. Quel enfoiré, mais c'est une bonne idée. Mais, moi j'aime bien cette idée. Très bien, elle dort depuis combien de temps là? Oh, ça fait au moins 3 heures. Ça fait elle va dormir à 8 heures la pauvre, mais elle se lève à quelle heure? Bah, elle se lève vers 9h. Ah oui, non, mais t'es sérieux, elle va dormir à 20h pour se lever à 9h du matin? Bah, elle a besoin de repos, c'est pas immer, c'est une marmotte à ce niveau-là, là, il est ouf. Elle hiberne. Elle, complètement, une hibernation totale. Bon, écoute, on va faire ça dans un instant, Alex. Bouge pas de là, Guilhem, bouge pas de là non plus, on va se refaire la colle dans un instant. Et je vous l'avais promis, le son de Will.i.am et Miley Cyrus, c'est maintenant sur Fun Radio et c'est Fall Down. Soyez les bienvenus, Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun, c'est la dernière de la soirée, de la semaine, la dernière de la semaine sur Fun, on est jusqu'à 2h, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour participer à l'émission. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit, Fun, 01 02 01 42 48, Samy sur Fun Radio. Et on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Là, ça c'est la bonne nouvelle également de la soirée. Plein de messages qui arrivent également. Plein de messages sur le Facebook, le Twitter également. Là, Camille avec un K qui dit je fais ça à ma mère, moi je me fais tuer directement. Il y a Clara qui dit avec tous les conseils d'Autriche, là je vous tiens jusqu'à 2h du mat ce soir. Tu m'étonnes. Il y a Chris Bach aussi qui dit pour tricher, il y a toujours les tweets programmés spécial pour notre cher Let's Be Freaks LMMC. Il y a Colin aussi qui dit tu mets ton cours dans un cahier à couverture transparente et tu le prends en support, c'est pas mal. Jonathan qui dit un conseil triche, bah, il a qu'à réviser. Oui, pas faux, effectivement, Guilhem. J'avoue ouais, que c'est, c'est le meilleur plan. Tu sais que moi, à l'époque, quand je préparais mes plans, mes antisèches, tout ouais. ça, en fait, le problème, c'est que donc je l'ai préparé, ce qui était très bien. Enfin, ce qui est mal, mais c'est très bien. Et en fait, une fois que j'avais terminé de tout préparer, bah, j'avais tout retenu, quoi. Tu sais, à force de les écrire. Ah, oui. Donc, en fait, au final... C'est horrible, ça. Mais non, c'est pas horrible, ça. C'est bien. Moi, tu vas pas t'emmerder, quoi. Bah, mais oui. Tu vois, c'est con, quoi. Moi, ça m'est arrivé non, un jour. Non, tu t'es ennuyé pour rien. Bah, non, parce qu'au final tu l'as appris, donc c'est pas pour rien. Mais moi je me suis fait gauler un jour, j'avais pris j'avais mis une chemise exprès, tu vois, une chemise avec une chemise normale, et dans la manche c'est un espèce de trou où il y a les deux boutons là. Oui. Voilà, donc du coup t'as un petit trou. Donc en fait moi j'avais foutu les petits papiers ici dedans. J'ai jamais fait ça. Ouais, ouais. J'avais mis dedans. Ouais. Et donc du coup tu sais, je tenais mon bras avec le trou de la chemise un petit peu vers le haut et tout était dedans. Comme ça j'avais tout prévu et j'ai testé, ça fonctionne. Si le prof arrive, il suffit de descendre le bras. Ouais. Et si elle dit montre-moi le bras, si elle grille quelque chose, si tu lèves ta main, je dis j'ai rien, et à ce moment-là, hop là, toutes les feuilles tombent dans le coude. Fort, ouais. Bon, le problème c'est qu'après il faut les rechercher, mais je veux dire, sinon vous faites pas griller, quoi. Donc si vous faites griller après 30 secondes, bah c'est ballot. Si vous faites griller à la fin de l'examen, bah vous êtes tranquille. Mais voilà, c'est un conseil, ça peut fonctionner, à voir, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi, qu'est-ce que t'as déjà fait toi, Guilhem, parce que tu dis que t'es un champion dans le domaine. Mais... j'avais testé, mais c'est foireux parce que. En même temps, je l'avais testé en été. C'est que j'avais écrit tous mes trucs sur mon tibia. Ouais. Donc, pendant le cours, j'étais en train de regarder sur mon tibia. Ouais, un truc hyper... En plus, c'est hyper facile de regarder sur son tibia, tu vois. Ouais. Il était... Parce que vu que c'était en été, j'avais mis un jogging pour pouvoir bien regarder et tout. Ouais. Donc après, vu qu'il faisait super chaud, bah, il y avait toute l'encre qui avait... Ah oui, dommage. Ouais, c'est là que tu dois demander au mec de mettre la clim dans la classe. Ah, le ventilateur, quoi. Non, mais oui, c'est ballot. Dites-nous si vous avez des conseils. Tiens, Lilou, elle doit avoir des conseils en or, ça, pour la triche, là, ouais, non? Ouais, genre, tu mets la réponse de ton truc, si t'es une meuf, en fait, dans ton soutif, ou genre collé sur ton t-shirt, moi, c'est ce que je faisais. Attends, j'ai pas compris. En gros, tu prends l'antisèche, ouais. Et tu la colles, genre, dans ton décolleté. Comme ça, le prof, même s'il chope, il va pas te foutre la main dans le sang, tu vois. Non, mais il peut dire sors-moi ça directement. Non, bah non, je le ferai pas, tu vois. Ah, non, j'ai rien. Viens le chercher. Viens ouais, chercher, c'est ça, ouais. C'est ça. Et si tu viens le chercher, je porte plainte. Voilà, c'est ça. Non mais regarde, Guilhem, tu vois, Lilou trichet, regarde où elle est aujourd'hui. Elle a une vie de merde dans une radio, là. Elle est là, derrière sa vitre. Tu vois, il faut pas tricher, Guilhem, c'est pas bien. Tu veux ressembler à Lilou, Guilhem? Non, eh ben voilà, bah travaille. Bon, il y a Colin aussi qui dit les antisèches dans le soutien-gorge, si prof fouille, on n'accepte pas les trous sans contrôle. Guillaume qui dit pour tricher, faut simplement enregistrer tous les éléments principaux dans la calculatrice. Je l'ai eu à mon bac, j'ai eu mon bac grâce à elle, ou sinon tu prends en photo tes cours sur ton portable et tu les mets dans la trousse. Eh, tricher au bac par contre c'est chaud, parce que si vous faites gauler, en revanche, là vous prenez cher. Hein. Je crois que c'est quoi, c'est 5 ans si tu peux plus le repasser. Ouais. Et même le permis de conduire ni rien. Tu donc peux passer aucun examen pendant 5 ans. Voilà, prévoyez d'avoir déjà le permis. Hein. Ouais. Parce que non, ce serait con, tu vois, après. Tu peux plus rien passer, c'est quand même la merde. Il y a Max27 qui dit, pour la triche, mettre un papier dans sa chaussure, mort de rire. Ouais. Mickaël aussi sur le Twitter qui dit, j'habite à côté de Metz, moi aussi, vous êtes super. Merci Mickaël, sois le bienvenu. Et alors, Lesbifux qui dit, tu es trop bon, mon bon roi. Mais écoute, je te remercie avec grand plaisir. Son Altesse, Mickaël. Je vous remercie. Et ne trichez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, il y a Mathieu qui a envoyé un message aussi qui dit Lilou est très en beauté ce soir. Ouais. Elle est en mode secrétaire, c'est parce qu'elle a un film de boule à faire après. Oh. Et donc, du coup, elle s'est déjà habillée avec les bonnes fringues, quoi, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Bah, tu tournes la scène avec moi, même, Mickaël. Non, parce que je risque de te faire mal, donc. Oh là là, mon Dieu! Oh. Magnifique, elle était parfaite celle-là, bien placée comme il fallait au taquet. Bon, et message de Mathis qui dit Mickaël, pose caca, est-il constipé? Oulala, non, t'inquiète pas. Top va très bien. Voilà, il est au taquet. Toujours un bonheur. T'inquiète pas pour ça. Je rappelle qu'il y a le top tweetos aussi ce soir. On va faire le jeu avant 2h du matin. On verra quel est l'auditeur de la soirée, quel est le meilleur auditeur de la soirée. Le top tweetos, c'est simple. Mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, que vous parliez avec nous, avec les auditeurs ou même avec des amis, peu importe. Vous mettez le hashtag Mickaël et puis on verra quel est le top tweetos, quel est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Donc hashtag Mickaël, comme ça vous savez tout. Bon, Guilhem. Il y a Laurent qui est avec nous maintenant là. Salut Laurent. Salut. Comment ça va? Bah ça va et vous? Bah écoute, tranquille, hein. Sois le bienvenu Laurent. Toi tu nous appelles parce que tu as des conseils à filer à Guilhem pour la triche. Ouais, j'en ai un, bah il est un peu long, c'est un prof qui m'avait donné l'idée. Ah parce que l'anglais c'est les profs. Genre. Ouais, okay. J'étais un prof d'anglais au collège. Ouais. Bah en fait, faut prendre un tube de colle vide. Ouais. Et faut faire sauter par le cul et enrouler un bout de papier. Attends, mais moi ce qui me perturbe, c'est que tu me dis c'est un prof qui a donné l'idée quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du prof? Il avait expliqué ça au collège. Ah c'est les bâtonnets jaunes là, UHU stick. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bah, un bout de papier. Ah, elle, le son des flancs de fin de radio maintenant avec Fédé le Grand qu'on écoute. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah c'est un vieil extrait. Je sais pas d'où il vient, c'est pas grave. Bon, du coup, vas-y, continue. Ouais, faut enrouler un bout de papier autour du fil blanc en fait. Et après, faut faire une petite entaille pour passer le bout de papier sur le tube jaune. Ouais. Et après, bah, il y a juste à tirer le papier discrètement avec les réponses d'écriture. Ouais. Et pour rembobiner, bah faut tourner comme pour emballer la colle. D'accord, ok. Ouais, hey, c'est un peu compliqué quand même l'histoire, hein, parce que tu fais... Bah ouais, mais après, bah ça sert tout le temps. Non, oui, non, mais d'accord, non, mais ça sert tout le temps, mais enfin, ça reste compliqué, je trouve, non? Et ça, c'est grillé. Pour bah, j'aime bien bricoler, du coup, j'y ai fait sans problème, quoi. Ouais, parce que moi, enfin, après, maintenant, je sais pas si ça marche encore, mais tu sais, je sais pas si vous vous souvenez Oui, parce que t'as fait vieux, hein, ça marche peut-être plus maintenant. Les trucs de correcteur, là, blanco, avec le petit pinceau. Tipex, voilà. Tipex, ouais. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on décollait le papier du Tipex, qu'il laissait une toute petite barre blanche. Ouais. Et donc, on le remettait, en fait, on écrivait tout le cours dessus et puis on remettait le papier du Tipex et comme ça tu le faisais tourner et tu pouvais lire le cours dessus. Il y a Petit Panda aussi qui avait envoyé un message là qui dit Mickaël, vous pouvez passer bouillage au tech. Bon, on le passera peut-être tout à l'heure, Petit Panda. Guillaume qui dit écrire sur la trousse ou mettre les antisèches dans la trousse ou écrire sur le bras. Alors, ça c'est old school ça comme système, hein, mais bon, pourquoi pas. Le prof te dire de pas poser ta trousse aussi. Ouais, parce aussi il y a Clara ici qui dit mais bon, c'est vrai que le meilleur moyen de triche reste la révision. Ah bah clairement. Et Dames qui dit l'astuce de triche, tu agrafes une feuille dans ta manche et le tour est joué. Et surtout, tu te tiens la tête, évidemment, tout en regardant, bien entendu. Et alors, Miss Freeze 33 qui dit alors, tu prends une bouteille d'eau et tu marques les antisèches sur le dos de l'étiquette. Pourquoi pas? Ouais, ça j'avais fait aussi. À voir. Ouais, non, mais voilà, après, il y a plein de solutions. Hein. Dites-nous d'ailleurs, hein, continuez à nous appeler d'ailleurs, le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Surtout, n'hésitez pas. Tu t'es jamais fait griller, Laurent, toi? Ah, jamais. Jamais. C'est bien. Et toi, Guilhem? Jamais de la vie. Jamais de la vie non plus. Attends, il y a Jonathan qui, lui, était là pour la colle à la base, mais c'est pas grave. T'as déjà fait une petite tricherie ou pas? Non. Jamais? Jamais. D'accord, ok, très bien. Il y a le grand classique de regarder sur la feuille de ton voisin. Ouais, oui. Ouais, mais le problème, c'est que s'il se trompe... S'il se trompe, t'es cramé. Hein. Écris sur ton avant-bras aussi, si t'as une chemise. Ouais, tu peux aussi, mais... Sur la chaussure. Ouais, ça aussi. Les petits papiers dans le stylo. Ouais. Sur la gomme. Mais là, ouais. Le top du top, c'est le bloc de feuilles. Quand tu peux prendre des feuilles de brouillon. Ouais. En fait, ce que tu fais, c'est. J'avais fait ça. Ah ouais, mais donc, ce que tu fais, c'est que tu fais pas sur la première feuille, tu fais genre sur la troisième, quatrième. T'écris tout ton cours et comme ça, pendant que t'es en train de répondre à ton interro, t'as juste à aller chercher dans les. Ouais, mais en règle générale, t'as pas l'accès à des feuilles de brouillon. Ça arrive, mais c'est quand même. Ils sont pas idiots, quoi. Moi, j'ai réussi mon année en bio comme ça. Ouais, non, mais d'accord, mais ça m'étonne même pas. Bon, enfin bon. Bon, dites-nous les autres, allez-y, vous nous appelez. Vous pouvez envoyer vos messages aussi, hein. Vous tapez Mickaël, vous envoyez ça au 64 900 et au 3044 par SMS pour la Belgique. Et alors du coup, Jonathan, on va se refaire un petit coup la colle de ce soir là. D'accord. Allez, c'est parti, fais péter la colle, je rappelle qu'il y a un iPod Nano à gagner, on t'écoute pour la colle. Alors c'est un homme qui habite au 13e étage d'un immeuble. Ouais. Quand il veut descendre, il appuie sur le 0, ouais. Normal. Mais pour remonter, il appuie sur le 6 et il doit remonter tout le reste à pied. Pourquoi? D'accord. Bon, si vous avez la bonne réponse, je répète. Un homme habite au 13e étage. Pour descendre, il appuie sur 0. Pour remonter, il appuie sur 6. Et le reste à pied, pourquoi. Vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez votre réponse maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il y a une photo avec l'iPod Nano qui est à gagner. Vous laissez simplement un commentaire, la réponse en tant que commentaire. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit 30, puisque ça sent là qu'on fera le tirage au sort comme chaque soir, eh bien vous repartirez avec l'iPod Nano. Si personne ne trouve la réponse, Jonathan, l'iPod Nano est à... Moi. Exactement. Bon, ben, je te souhaite bonne chance, Jonathan. Merci. Allez, à tout à l'heure, on te reprendra encore un coup, évidemment. Un homme habite au 13e étage. Pour descendre, il appuie sur 0. Pour remonter, il appuie sur 6. Le reste, il le fait à pied. Pourquoi ? Je vous souhaite bonne chance. Et alors, les filles, je voulais vous poser une petite question. Tiens, Kelly et Lou, qui sont au standard, là. C'est quoi les fringues les plus chères que vous êtes offertes ? Putain, moi, je crois que c'est un manteau. Ouais. Genre à 300-400 euros. 400 euros pour un manteau. Et mon Vuitton aussi, mais c'est pas bien. Ouais, non, mais je suis tarée, moi. Mais elle est contente. En plus, le pire, c'est que je l'aimais jamais. Parce que moi, j'avais limite de la peine. Je dis, ah putain, il travaille comme du matin jusqu'au soir, mais t'es blindé en fait. Mais non, mais le truc, tu travailles pas pour l'argent, toi, t'en as à foutre. En plus, je les porte jamais. Ben donnez-moi, moi, je vais les revendre sur eBay. Non. Mais si. Non. Mais si. Tu sais, en fait, c'est vraiment un truc de meuf. C'est-à-dire qu'elle le prend dans son armoire, elle va pour partir avec, elle fait. Oh non, finalement, non, je le prends pas. Je vais l'abîmer, je le revends. Ouais. Non, mais après, tu sais, il suffit d'économiser pour avoir ce qu'on veut. Hein. Non, mais d'accord, mais ça, on te reproche pas de l'avoir acheté, l'autre directement. Tu sais, oui, mais j'ai économisé. Voilà, je suis pauvre quand même. Mais bon. Ah oui, c'est ça. Mais arrête. Elle était en train de négocier une augmentation avec Karel, du coup, là, t'as tout niqué. Ouais. C'est clair, ouais. Bon, dites-nous ce que vous vous êtes déjà offert, justement. Je vous demande ça parce que j'ai lu ce matin sur Facebook que les filles dépensaient en moyenne 40 000 euros en chaussures durant toute leur vie. Oh, la violence. Voilà. Alors, je voulais savoir ce que vous aviez déjà acheté, dans quoi vous avez claqué le plus d'oseille. Et Lilo, t'as fait combien, toi, en pompe, en chaussures t'es... En chaussures, non, ça va, je dépense pas trop en chaussures. Combien, à peu près? À peu près, ah ouais, non, si. La dernière fois, j'ai acheté 3 paires de pompes, je m'en suis tiré pour 300-400 euros, ouais. Oh, ah oui, quand même, toi, c'est la fête à la saucisse, toi. Les mêmes, en plus, Paris, non? Ah ouais, toi, les mêmes. Non, mais en fait, je mange pas, comme ça, je peux m'acheter plein de trucs, tu vois. C'est une ça, c'est marrant, parce que ça se voit pas, tiens. Ouais. Mais justement, tout à l'heure, j'ai croisé mon 36 dans le couloir, il va bientôt revenir, donc c'est pas malin, ouais. Eh bah, écoute, fais gaffe, faut jamais croire ces gens-là, tu sais, quand tu les croises et tout, on est jamais à l'abri. Ouais. Bon, dites-nous ce que vous avez déjà fait comme dépense, les filles. Même les mecs, hein, quel est le truc en fringues que vous vous êtes acheté qui coûtait le plus cher? Voilà, dites-nous, Toff. Bon, Toff, il fait pas beaucoup de moi, j'ai acheté un t-shirt, j'ai payé 14 euros. Ça a été la folie de ma vie. Non, parce qu'en plus, moi, je suis. Comme je ne pense pas du tout pour mes fringues. Ah oui, ça plus, se voit, ouais. En plus, je les achète quand on part aux États-Unis. Et donc, du coup, comme j'y vais qu'une fois par an, j'achète des fringues qu'une fois par an. Ouais. Et moins cher, évidemment. Et du coup, ouais, comme c'est vachement moins cher là-bas, j'ai genre deux t-shirts pour 10 euros, donc c'est parfait. Bah oui, évidemment. Voilà. Ceci, forcément. Moi, ça me va très bien. D'accord. Bon, bah très regarde, bien. Moi, j'ai acheté une belle paire de Vans, 14 euros. Bon, bah dites-nous donc si ce que vous avez déjà dépensé. Là, on en parle ce soir sur Fun Radio. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous appelez directement le standard avec Kelly et Lilou qui sont au standard. Il y a un message aussi de Sim. Simog qui lit un coup de lance-roquette en pleine gueule pour Polo. Mais il est encore en réparation. On lance en enquête là, Simog. Il y a le prince Nadia qui dit j'aimerais beaucoup écouter la chanson du renard ce soir. Ah, eh bien, sache que tout est possible. La chanson du renard n'est pas très loin, elle est même là d'ailleurs. Ouais, on l'écoutera peut-être tout à l'heure en entier, le prince Nadia. Il y a Jonathan qui dit vous êtes les MacGyver de la triche. Ah, ouais. Écoute, on fait ce qu'on peut. Les antisèches dans le pipeau de Polo, c'est une idée, Manu. Mais après, il faut encore avoir arrivé à foutre le pipeau dans la classe. Et Super Puceau qui dit Tipex, UHU, pardon. Bienvenue sur Papeterie FM avec Toff. Ouais, bon, en même temps, ouais, on nous a demandé. On nous a demandé des conseils. Voilà, on nous a demandé des conseils, nous après on les donne. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limites, soyez les bienvenus tout le monde. On va se faire tout à l'heure encore quelques petites réactions par rapport à la triche. Les dépenses de vos mesdemoiselles. Allez hop, vous balancez votre message maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On s'écoute maintenant le son de Sébastien Ingrosso sur Fun Radio comme promis. Au cœur d'une heure sans pub, c'est Reload. When night has become the day. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Ouais, numéro des SMS qui fonctionne. Débutez bien votre message par Mickaël, bien entendu. Et puis on parlait de ce que vous aviez déjà dépensé, les filles, même les mecs d'ailleurs aussi, pour vous faire un kiff en termes de vêtements. Voilà, puisque la moyenne apparemment c'est 40 000 euros pour les chaussures, rien que des chaussures pour vous les filles. Ce qui est quand même assez sympa, quoi. Hein, bah ça fait 40 paires de Louboutin. Bah ça fait 40 paires, effectivement, ouais. Donc du coup, bah il y a Grace aussi qui dit moi c'est une montre Gucci à 600 100€, une paire à 180€, mais je connais pas le prix de toutes mes chaussures. Hein. Je dois avoir 40 paires de chaussures d'été et d'hiver. 40 paires de chaussures. Est-ce que vous êtes sérieux? Je suis sûr que tu demandes à Lilou, elle en a au moins 40 aussi. T'as combien de paires de chaussures, Lilou? D'ailleurs, j'ai pété mon placard ce matin parce que j'arrivais pas à le fermer tellement il y avait des chaussures et du coup, la porte est déboîtée. On va venir chez toi, on va faire le ménage. Merci. Hein, je vais venir avec mon lance-flamme. Voilà, on va gérer ça directement avec le lance-flamme, pas de problème. Il y a Let's Be Freaks qui dit aussi, où est-ce qu'il est? Slogan pour l'émission, Mickaël No Limites, souvent imité, jamais égalé. On l'avait déjà sorti hier ça, Let's Be Freaks, puisque je vous rappelle que hier on a essayé de chercher un slogan pour l'émission. Il y a Mathias qui dit, Mickaël, j'ai un putain de bouton sur le front et Olicio me demande si je me suis converti l'hindouisme, je suis dégoûté. Bon, t'inquiète, ça va partir. Ryan aussi qui dit, une veste Zara, 175€. Wow. Tipanda qui dit, moi une paire de chaussures à 230 boules, le plus d'argent je l'ai dépensé en objet multimédia, iPhone et Mac. Ah ouais, ça bien sûr, mais non, on parlait vraiment de vêtements en règle générale, Let's Be Freaks. Mickaël qui dit, moi c'est dans mes jeans qui a coûté 130€, c'est déjà pas mal, hein, putain, pour un jeans. Lorraine qui dit, j'ai claqué plus d'oseille dans les CD, les films et les séries, ma carte bancaire d'ailleurs a souffert. Il y a adopteunblanc.com qui dit, moi j'ai une veste G-Star à 220€. Camille avec un K qui dit, moi j'ai plus dépensé en concert ou en spectacle qu'en fringues. Et Mathis qui dit, 300 balles pour des chaussures de basket Jordan pour le sport et pas pour marcher, bien sûr, évidemment. Et Max27 qui dit, ma sœur a eu au moins 60 paires de pompes. Non mais c'est pas sérieux, 60 paires de chaussures quand même. Tu parles des Nike Air Jordan et tout. Moi j'avais vu une paire d'occasion, 1200€. Ouais, mais parce que c'est la Nike Air Jordan, ouais, ou un truc comme ça. C'est les premières, donc ça coûte très très cher. Ouais ouais, voilà, c'est ça, c'est super cher en fait, ouais. Hein, c'est les collectors, ouais, ou un truc comme ça, non? Oui, ouais, c'est ça, ouais, parce qu'en fait, c'est une collector, mais bon, ça fait quand même 1200€ pour une paire qui a déjà été portée, quoi. Oui, ah, oui, oui, non, mais d'accord, ouais, d'accord, ok, ouais, ouais, c'est clair. Donc, dites-nous d'ailleurs, hein, si vous avez déjà dépensé, là, combien est-ce que vous avez déjà dépensé pour des fringues ou des chaussures? Voilà, vous nous balancez tous vos messages, évidemment, maintenant, hein, ça se passe par SMS notamment. Vous débutez votre message par Mickaël, vous envoyez ça au 64-900 ou par Mickaël au 30-44 pour la Belgique. Il y a Samantha qui est là pour la triche, tiens, salut Samantha, comment ça va? Ça va, et vous? Bah ouais, et avant de parler de la triche, dis-moi, t'as déjà dépensé combien toi pour te faire un kiff en termes de fringues? Moi c'est pas tellement dans les fringues, c'est plutôt 1000€ dans un appareil photo. Ah ouais, appareil photo, ouais, non mais ça c'est après, c'est des trucs technologiques, ça vaut effectivement cher, mais en fringues t'as pas un truc où tu t'es fait vraiment plaisir, genre un sac à main, des paires de chaussures, je sais pas moi, non? Ah si si, j'ai dépensé 500€ dans un site, sauf qu'il y avait rien qui m'allait vu que c'était un site chinois. Ah, dans ça, un site. Ça c'est ballot. Ouais ouais ouais. Bah oui, mais ça c'est parce que t'as voulu faire des petites économies. Résultat, tu l'as eu bien en fuyon. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, alors pour la triche, tu voulais donner un conseil à Guilhem, toi, Samantha là, de Clermont-Ferrand là. On t'écoute, Sam. Ah oui, un magnifique conseil. Alors si tu prends ton boîtier à lunettes et tu mets le téléphone dedans et tu peux aller voir tout ce que tu veux, regarder des films en cours, c'est discret, c'est parfait. Ah ouais, mais est-ce que c'est autorisé ça? Bah oui oui, tu sors ton boîtier à lunettes et. Oui, c'est, enfin ils peuvent pas t'interdire de venir avec tes lunettes, sinon tu ouais, feras c'est rien, vrai, quoi. Ouais, mais tu sais, parfois ils te disent, de, enfin en tout cas à l'époque, c'est que ok, mais tu dois, comment dire, tu dois mettre tout dans ton ouais, sac à dos, par ouais, exemple, tu vois, rien doit traîner sur la table, enfin sur le bureau, tu vois. Ah, nous, on nous disait rien, on mettait, puis rien, on s'est jamais fait capter. Oh bon bah tranquille, hein, ça va, t'as du bol, quoi. Parfait. Ouais, mais c'est ça. Et alors, d'autres plans éventuellement, parce que si t'as pas de lunettes, après t'es emmerdé, quoi. Ça marche seulement pour ceux qui ont des lunettes. Bah nous on a tout essayé, hein. On a pris une copie double, on a écrit au crayon papier et puis on faisait passer ça pour le brouillon, on s'est envoyé des SMS en cours. Putain, j'aurais kiffé être étudiant aujourd'hui parce que t'as tellement de moyens d'enfumer tout le monde. Oh là là, putain. Déjà à l'époque, bon évidemment moi quand j'étais à l'école ça fait un petit bout de temps, mais déjà moi j'avais une espèce de calculatrice, tu sais, scientifique avec mémoire. Tu pouvais mettre ton répertoire téléphone dedans et t'avais une mémoire planquée en fait qui tu pouvais y accéder qu'en poussant sur quelques boutons avec un code. Donc tu vois le prof il m'avait grillé clairement, il voyait que j'avais triché. Et là il arrive et fait oui montre-moi ça. Et en fait en poussant bêtement sur un seul bouton tu revenais sur la mémoire normale. Et il me dit oui t'es en train de tricher. Bah je dis non monsieur, bah du tout, pourquoi vous me prenez pour un tricheur? Montre-moi le truc. Alors je lui montre, tu sais, il fouille, et je dis voyons que c'est une calculatrice. Non non, il y a une mémoire. Bah je dis ouais, il y a une mémoire avec le numéro de téléphone. Oui oui, c'est ça. Bah je dis regardez, poussez sur l'annuaire, vous verrez bien. Puis vous voyez tous mes numéros. Et puis il me l'a redéposé parce que tu sais il m'avait pris en flag, mais il n'avait pas de preuves quoi, donc il pouvait rien me faire. Oh j'étais content, je jubilais, je lui ai mis dans sa race. Mets lui un coup de pelle. Et ouais, ouais, exactement, ouais. Voilà, et même un coup de lance-flamme. Voilà, exactement, je me souviens plus de son nom, mais j'étais ravi quand même. Bon ben Samantha, merci à toi en tout cas d'être passé. Voilà, ben des bisous à toute l'équipe et quand bisous. Même pour dire on triche et ça fait une semaine qu'on sèche les cours. Eh ben bravo Samantha. Ah bah une future Lilou, tiens. Bon ben. Bah... Salut Samantha, je te fais des bisous. Moi aussi. Allez, à bientôt, ciao à toi. Bon Guilhem, si on a encore d'autres, d'autres plans, là écoute la radio, on va encore en parler hein, jusqu'à la fin de l'émission, d'accord? Mickaël. Ouais. Ouais, c'est pour la colle là, je crois que je sais ce que c'est. Tant mieux, je suis ravi de l'apprendre. Non mais il faut que tu donnes la réponse uniquement sur le Facebook ou les SMS, parce qu'après on va faire un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc si toi tu court-circuites tout le monde, ils vont pas être contents, tu vois. Ok. Ok. Bon, peut-être à tout de suite Guilhem, d'accord? Ok. Bon allez, à tout de suite. Et restez sur Fun Radio car dans un instant, vous l'aviez demandé, je vous le cale, la reprise de Prodigy dans un instant sur Fun Radio, ce sera No Good. Bonne soirée avec Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun 3h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, on est là tous les soirs, évidemment, en direct dans toute la France. Il suffit, si vous voulez, pour venir discuter avec nous, de composer le numéro 01 42 48 5000. Il y a Lilou, il y a Kelly au standard. On parle de ce que vous avez déjà dépensé, genre une folie en termes de fringues. Là, qu'est-ce que vous avez déjà dépensé qui a coûté un bras? Là, il y a fan de Mickaël qui dit aussi, on dirait la mob de Toff en début de la musique. Ah oui, c'est vrai. J'ai dépensé 500 euros pour des vêtements en une seule boutique. C'est quand même pas mal déjà ça. Hein. Bon, on continuons à en parler maintenant. Je vous ai mis le post sur le Facebook aussi, allez réagir. Venez également nous faire un petit follow sur Twitter et sur Instagram. Je vous rappelle qu'on y lira tout à l'heure le top tweetos de la soirée si vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et si vous me faites un petit follow sur le Twitter, eh bien je vous ferai un follow également, comme je l'ai fait à tout le monde. On est plus de 11 000 en un mois et demi. C'est pas mal. Merci à vous en tout cas d'être là tous les soirs. Si vous voulez donc, n'hésitez pas à vous balancer tous vos messages dès maintenant sur Fun Radio. Balancez vos messages donc vous mettez le @Mickaël officiel sur Twitter. On se suis évidemment avec grand plaisir. Vous me faites un follow, je vous ferai un follow avec plaisir. 23h47, il n'y a plus de pub maintenant. C'est la nuit sans pub jusqu'à l'arrivée de Bruno Guillon tout à l'heure à partir de 6h sur Fun. Et on se fait la reprise de Prodigy maintenant. C'est Fédé Legrand, c'est No Good sur Fun. Le son de Fédé Legrand sur Fun, c'était la reprise de Prodigy. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exactement, il y en a beaucoup qui demandaient, hein. Fédé Legrand avec No Good, c'est le son qu'on vient de vous passer, la découverte sur Fun Radio. On vous le remettra peut-être tout à l'heure avant la fin de l'émission, allez savoir. Ou alors un petit Prodigy, je sais pas. Ah, l'original. Bah peut-être l'original ou un autre. Ouais. On en avait parlé là cette semaine de Smack My Beach Up. Smack my beach up. Bon bref, on écoutera j'adore peut-être l'un ou l'autre. Hein, j'adore le clip. Sans déconner. Mais donc si vous voulez l'écouter un petit Prodigy ce soir avant 2h du mat, là n'hésitez pas bien entendu à nous faire la petite demande avec le hashtag Mickaël, quel titre vous voulez écouter. Puis si vous connaissez pas, ben, c'est un vieux son, mais on va peut-être vous le mettre tout à l'heure. Et puis vous allez découvrir comme ça. Il y aura Calvin Harris aussi dans un instant. Plus classique avec I Need Your Love. Et il y a petit panda qui avait demandé Show Tech. Bon, on va vous le mettre bien sûr. Et nous ramène les gâteaux. Ouais, petit panda les gâteaux aussi là, parce que ça fait 3 semaines maintenant que tu devais venir un dimanche là. Mais qui lâche pas. Bah non, je lâche pas là. Voilà, Booya, encore un son que vous avez découvert sur Fun. Showtech, ce sera tout à l'heure. Et puis je vous calerai aussi Martin Garrix. Ça aussi vous avez découvert sur Fun Radio, mais si vous voulez découvrez tout sur Fun. Ouais. Ah, oui. Bah oui. Martin Garrix avec Animals. Et encore un truc que vous avez découvert sur Fun, et ça c'est plutôt plus précisément dans Mickaël No Limit. C'est la version du clip de Martin Garrix en version Nibar. Très sympathique. Puisque c'est une femme en fait qui bouge ses seins en fonction du rythme de Martin Garrix. Il n'y a rien de dégueulasse là-dedans, c'est un très très beau décolleté, une très très belle paire de seins, malheureusement cachée ou heureusement, ça dépend évidemment. Donc vous pouvez aller voir ça, j'ai posté ça dimanche soir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Je compte sur vous pour venir nous rejoindre. Vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus. D'ailleurs je vous avais posé la question aussi, combien avez-vous déjà dépensé pour des fringues ou des chaussures? Donc n'hésitez pas à balancer vos messages maintenant sur le Facebook de l'émission. Alors, plein de messages notamment qui sont arrivés. Il y a Julia qui dit, moi 600 euros pour un impair Gastra. Oh, ah oui, c'est un bel impair, j'espère. Ah, ça fait cher, hein, 600 euros quand même. Hein. Oh, putain. Vous avez déjà regardé les prix des dans les boutiques juste à côté de la radio là? Ouais. Non, mais attends, mais on est dans le quartier le plus riche de la Terre. Il y a un mini short là. Mais vraiment... Tu prends une paire de chaussettes, il y en a pour 400 euros. Mais là, ça, le mini short, je crois, il est à 2300 euros. Laisse tomber. En plus, il est horrible. Mais oui, mais bien sûr, non seulement c'est horrible, en plus, c'est super cher quoi. Donc, laisse tomber, il y a Nicolas qui est avec nous également du Bouches-du-Rhône là. Salut Nico. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Bon, bah tant mieux, hein. Il y a plein de messages qui sont arrivés aussi par rapport à la dépense là. Il y a un ensemble pêche-pantalon, 649 euros pour jus. Oh putain, vous êtes complètement barré. Hein. Et toi, dis donc, tu as dépensé combien? Mais moi, j'ai dépensé 540 euros dans une paire de chaussures. Pour toi ou pour ta femme ou... Non, pour moi, pour moi. Ouais, pour moi, attends, elle mérite pas qu'elle se faire foutre. Tu as acheté des sandales, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a eu des tongs de merde à 10 euros la pièce, c'était parfait. Ça lui allait très bien, d'ailleurs, très bien. Ah ouais, oui, bien sûr. Et donc, mais pourquoi t'as... Genre, c'est un kiff, t'as toujours voulu ça et tu t'es dit, bah, je m'en fous, mélanger les moyens, je le fais ou... Voilà, non, mais je suis fan de belles chaussures et puis bon, j'ai un copain qui est bottier, ben voilà, j'en ai profité, je me suis acheté une belle paire de godasses. Mais sur mesure? Non, pas sur mesure. Ah non, sur mesure, t'es là pour 3 ou 4 000 euros. Non. Quoi? 3 ou 4 000 euros pour des bottes? Sur mesure, c'est hyper cher, c'est très très cher. Oh là là, putain, il y a Max aussi qui dit Kim et Kenny West ont acheté au moins 2 millions de fringues là pour leur fille. Bah ouais, non mais ça, mais après c'est un autre monde, ils sont blindés, ils s'en foutent. Il y a Princesa qui dit, j'ai eu mes stickers ce matin là dans la boîte aux lettres, que du bonheur. Ah bah voilà, vous avez vu hein, quand on vous dit qu'on vous les envoie, il y a pas de problème. D'ailleurs, si vous voulez votre série de stickers, n'hésitez pas lilou@funradio.fr, vous laissez vos coordonnées complètes, Lilou se fera un plaisir non dissimulé de vous envoyer évidemment ces stickers, n'est-ce pas Lilou? Oui, je suis vraiment trop heureuse. Tant mieux. Attends, ce matin, je l'ai vu arriver, Lilou, elle était là, elle était contente. Elle fait « Ah, je vais envoyer des stickers !» Bah voilà, elle était contente. Donc allez-y nous demander. Hein. Julien qui dit une Dulune, Serge Blanco à 850 euros. Oh, c'est cher pour rien, ça. Ah ouais, là, c'est effectivement bien cher, effectivement. Et quoi d'autre, Nicolas? C'est ton seul trip? Non, j'ai deux paires de pompes à ce tarif-là, quoi, c'est pour ça. Non, moi j'adore les chaussures, en fait. D'accord. Moi je me suis acheté un jour un fut qui a coûté un bras, et c'était un diesel, j'étais vénère, parce que bon, le jean était bien, sauf que tu sais, tu payes la blinde, genre 200 euros ou 250 euros pour un jean, pour qu'il soit usé. Oui. Résultat, après 6 mois, le truc était pété, parce que le trou il s'est agrandi, donc tout était pété, quoi. Donc je me suis retrouvé avec une espèce de truc qui a fait... Ah, maintenant tu peux faire les poussières avec. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour faire les poussières, quoi. Donc c'était parfait, quoi. C'était chiffon pour les poussières. Attends, tu peux faire des poussières avec un diesel. C'est quand même pas mal. C'est quand même un luxe que beaucoup de gens ne peuvent pas s'offrir. C'est vrai, un chiffon diesel, c'est quand même pas mal. Ah, tu vois? Eh ouais, tu fais des poussières, mais proprement. Enfin, en ayant la classe, quoi, voilà. C'est ça. Moi, je dis, c'est top tendance. Ouais, c'est top tendance, effectivement, ouais. Bah, merci Nicolas, en tout cas, pour l'appel. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous, bonne soirée à tous. Avec plaisir, bonne soirée à toi. Merci. Nicolas, salut, ciao. Bon, retour avec vos messages également, là, avec dans un instant Laura qui sera là. Bonsoir Laura. Bonsoir Michael, ça va? Ça va et toi? Ouais, Michael. Laura, 29 ans de Bayeux dans le Calvados. Ouais, ça va? Bah tranquille. Hé hey, Laura. Dis-moi. Laura, t'as déjà dépensé une blinde toi pour te faire un kiff? Ça va pas ou quoi? Non. Non, je sais pas, je demande. Non, pas beaucoup, non. Moi, je suis complètement radile, alors là, qu'est-ce que tu veux? Que dalle. T'es un fou, Michael, t'es un fou dans ta tête. Mais complètement. Bon, Laura, t'as dépensé combien pour des vêtements? Le plus cher, j'ai pensé pour une paire de pompes à San Marina, genre 400 euros la paire de pompes. Ah ouais, voilà. Après, elle dit non, mais moi, jamais. Bon, attends, faut jamais, pas déconner quand même. Jamais, enfin, je suis une fille, Michael, arrête tes conneries. Laura, on parle de quoi dans un instant avec toi? T'inquiète, on parle que je suis amoureuse d'un homme qui a une copine, quoi. Donc en fait, je suis un peu dans la merde. Ah ouais, là, t'es bien dans la merde, ouais. Bon, écoute, franchement, c'est qu'à le dire. Hein. On va en parler dans un instant. Pourquoi, t'es vraiment dans la merde? T'es dans le quartier, là. Franchement, c'est limite. Il est là, donc, ce soir? Ah non, là, c'était avant. Laura, non, on se prend quand même aider, Michael, alors. Je compte sur toi. Hein. Bah oui, on va essayer, Laura, t'inquiète pas. Ce soir, tu te fais en mode doc. Laura, t'as pris de la drogue avant de passer à l'antenne ou comment? Non, je sais pas, mais je me pose des questions. C'est l'odeur de caca qui fait caca. C'est un truc de ouf. C'est un truc de psychopathe. L'autre, speedé là, attends. Je vais me calmer, moi, tu vas voir. Voilà, c'est ça. Eh, qu'est-ce qu'il dit, l'autre? Il va se calmer, Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Laura, bouge pas de là, on va te reprendre dans un instant, là. Reste avec nous, surtout, ne bouge pas. On aura Alexandre aussi, qui voulait faire son défi. Laurent qui a les conseils aussi pour la triche. Et puis Jonathan, vite fait, Jonathan, qui est avec nous, là, pour gagner l'iPod Nano. Attention, c'est le dernier iPod Nano à gagner. Jonathan? Oui. On y va, alors, refais péter la colle, s'il te plaît. Alors, c'est un homme qui habite au 13e étage. Oui. Pour descendre, il appuie sur le 0. Oui. Et pour remonter, il doit appuyer sur le 6. Mm-hmm. Et il fait tout le reste à pied. Pourquoi? D'accord. Donc, je répète la colle. Pour gagner donc votre iPod Nano, un homme habite au 13e étage. Pour descendre, il appuie sur 0. Pour remonter, il appuie sur 6. Et le reste, il le fait à pied. Pourquoi? C'est ça? Oui.

En plus, il y a eu un avis de recherche là pour Lyon. Putain, on est vachement dans la merde. Faut vraiment que je le cache quelque part. Mais alors, tu veux que les flics ils vont venir chez moi? T'es malade. Où est-ce qu'il habite? Parce qu'on vient le déposer. Où est-ce qu'il habite? Michel, vas-y, on passe chez toi, à Tano, ok? Amine, ne me fais pas des trous comme ça. Débrouille, tu fais ce que tu veux. Michel, t'as vu, pour tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Non, je... Prends, amène-le à l'hôtel. Mais à l'hôtel, mon père, il va me tuer après, t'es malade ou quoi? Non, il faut qu'on le dépose chez lui, là, c'est urgent, là. On peut pas. Vas-y, on l'a déjà mis dans la voiture, il habite où, on démarre. Michel, tu vais passer à Sanois, ok? Non, c'est pas la peine. J'arrive, ok, parce que là, c'est trop la merde. Si, je passe de toute façon, ok? Il ouvre la banquette, le lion. C'est quoi l'adresse? D'accord, je passe. Merde, attends, on t'emballe pas, il a raccroché nouveau, dis donc, il s'en fout, hein. C'est dingue ça quand même là. En fait il a peur que les flics viennent chez lui. On le rappelle. Vas-y ça marche. Vas-y. Il est dans une maison? Ouais. Ok. Allô Michel? Oui. Ouais, là franchement, je suis trop dans la merde sérieux. Vas-y je passe chez toi, je le pose dans la cour et je me casse, ok? Non, tu fais pas ça. Mais pourquoi? Ça te dérange pas? Si ça me dérange Amine. Mais ta femme elle va rien dire Michel. Mais tu es malade ou quoi? Il a bouffé ma chaussure! Ça y est, il a bouffé! Il a bouffé! Michel, s'il te plaît, tu peux me rendre service, s'il te plaît? Non, Amine! Mais pourquoi? Tu mets pas dans la merde. Non, Michel. Mais Michel, je vais pas te mettre dans Amine, la merde. Amine, tu es malade ou quoi? Michel, c'est moi qui irai dans la merde, après je vais aller en prison. Je m'en fiche! Tu veux que je suis moi? Mais toi, t'as déjà eu des problèmes avec la police, c'est bon. Laisse tomber tout ça. Vas-y. C'était des blagues. On peut venir ou pas avec le lion, là? T'as demandé à Michel. Est-ce qu'on peut venir? Michel, ne laisse pas dans la merde. Salut. Michel. Michel, attends. Michel, s'il te plaît, attends. Dis-lui que je donne 50 euros. Michel, on te donne 50 euros pour le garder, ok? Non, je veux pas. Et on lui donne sa boîte avec ses granulés. Écoute, Michel, écoute-moi, s'il te plaît, ok? Il faut juste qu'il sorte deux fois sur la lion, soirée. Écoute, je sais plus rien, ami. Non, Michel. Et dis-lui qu'il ferme sa gueule. Ok, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut venir ou pas? Attends, Michel. Michel, écoute-moi deux minutes. Merde, attends, il est parti. Putain, j'adore. Non, mais le pire, c'est que le mec, il croit. À aucun moment, il dit, mais attendez, c'est un problème qu'il y ait un lion dans votre voiture. Bon, bouge pas. C'est normal. Ouais, bouge pas, Mille, on va le rappeler dans un instant. Là, bougez pas de là, on aura du coup est en retard avec les teubés de la télé, ça va arriver. Et puis, on va le rappeler juste le temps d'écouter Calvin Harris maintenant sur Fun Radio avec plein de messages qui arrivent aussi. Là, juste impossible, c'est les Biflix. J'avoue que j'y croyais pas au début non plus, le coup du lion, mais bon, un lion, je rêve. Jonathan qui avait envoyé le message là sur le Twitter et puis message aussi de Jonathan qui dit le vol de Lyon est déconseillé pour votre sécurité. Oui, bah, c'est clair, ouais. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on va le rappeler dans un instant là, le Michel là, juste après Calvin Harris, I need your love sur Fun. I need your love, I need your time. Un truc à dire, Mickaël. No Limits, 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez-y, le standard est ouvert, on est là jusqu'à 2h du mat ce soir sur Fun Radio. Et puis on a plus de pub là maintenant aussi. On va récupérer Amine dans un instant avec son oncle là, qu'on appelle là, Michel là, pour lui faire croire quoi. Mais c'est improbable qu'on lui a piqué un lion et qu'on veut essayer de le refourguer. Mais à mon avis je pense que le mec il doit être en stress parce qu'il veut pas que les flics débarquent chez lui. Il doit pas être très net. Il y avait ça qui dit c'est des ouf les gens là, des psychopathes, Amine t'assure là, emmène-le à l'hôtel des bars, c'est Miss Freeze. Mais laissez votre famille tranquille, c'est Camille avec un K qui avait envoyé le message. Il y avait quoi aussi, c'est jamais de ton bon que t'es amoureuse d'un mec déjà maqué. Ah oui, ça c'est Miss Freeze aussi qui avait envoyé ça par rapport à Laura qu'on va récupérer d'ici quelques instants sur Fun Radio. On aura aussi les teubés là ce soir sur Fun Radio, les teubés de la télé. On fait ça à minuit d'habitude, mais ça va arriver dans un instant. Et puis je compte sur vous également pour venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel pour tenter de gagner votre iPod Nano. Il suffit simplement de venir et de liker sur la photo et de répondre à la petite question sur l'iPod Nano, hein, sur la photo, sur Mickaël officiel. Et pareil également, Twitter et Instagram, vous me faites un petit like et moi aussi je vous follow bien entendu. Vous tapez Mickaël officiel, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors, on va appeler on va rappeler, vous êtes prêts là? Direction, ouais. Direction le retour avec Amine. Allez, on y va. Non, mais... En plus j'aurais pu lui parler, mais taisez-vous, je vais lui dire. Ouais.

Allez Michel. C'était une blague Michel, t'es à la radio, c'est sur Fun Radio. Bon ben voilà, hey, Michel, bonne soirée. Hein. Oui. Hein? Je dis bonne, ben, bonne nuit même, bonne nuit. Merci. Allez salut Michel. Bon ben voilà, bon et on a galéré mais finalement ça va. Il a quand même bien, il a quand même démarré. Il a mis le temps à démarrer mais il a démarré quand même. Bon, ouais, on va t'offrir un lion, Amine. Ah là, je serais vraiment dans la merde. Bon, on va te filer un casque DJ là pour la peine là. Tu vas gérer ça avec Kali au standard, d'accord? Bah merci, c'est super gentil. Avec plaisir. Attendez, je tenais à dire un truc. Franchement, vous êtes super cool. Je vous écoute souvent la nuit quand je suis en voiture et franchement, bah y a rien de mieux que vous écouter. Vous êtes super marrant, super drôle et je kiffe. Franchement, bien joué. Allez, deux casques DJ. Un pour chaque oreille. Tu veux pas lui mettre l'iPod, il va au bout. Amine, tu pourras nous dire ce qu'il en est après, ce qui s'est passé demain avec Michel. Ouais, tiens-nous au courant demain quand t'as des nouvelles de Michel. Hein. Bah tu sais quoi, je vais t'envoyer une photo si tu veux du Michel. Ouais. Ah, avec plaisir. Il va te faire la misère parfait, demain. Parfait, ouais, parfait. Bon, c'est sûr, il va me défoncer. Ah ouais, grave. Bon ben merci beaucoup en tout cas, bonne soirée. Hein. Bah merci à vous aussi. Ciao. Allez, bon, retour avec un autre appel si vous voulez éventuellement faire d'autres des conneries comme ça, si vous avez des gens à piéger. Vous nous dites, hein, nous on fait avec plaisir, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et le mec, j'ai toujours pas compris quand j'ai tué le mec avec mon revolver laser. Ouais. Oh là là, mais c'était bon. Message qui dit bord de rire, on rigole bien là à tout. Il y a Arnaud qui dit, je pense que l'oncle qui se rend pas compte de la chance qu'il a. Ah ouais, non, ça c'est une certitude. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, il s'en rendait pas bien compte là. Kevin qui dit vous suivrez un régal, la continuer comme ça, merci. Et alors Kevin qui dit vous m'avez tué avec le coup du lion. Eh, franchement j'avoue que j'y croyais pas, hein, quand Amine arrive en disant ouais on va faire croire que le lion machin, je dis bon ouais, ça va être tendu mais on verra. Il y a The Heartbreak Kid aussi qui dit espèce de petit con Michael. Bah oui c'est ça. Et alors c'est quoi aussi Clarassi qui dit le plus beau c'est qu'à la fin ils finissent tous par rigoler. Mais oui, mais heureusement ça c'est quand on lui a dit évidemment que le lion c'était du pipeau bien entendu. Le prince Adrien qui dit l'histoire du lion est énormissime. Ah, le pipeau, bien sûr, évidemment. Voilà, et Super Puceau qui dit Polo ne connaît qu'une expression de police, le susnommé. Non, il connaît Alpha, Tango, Charlie, Papa Charlie, etc., etc. Bon, retour avec vous toutes et vous tous, là en direct sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir, la minimum. Il y a toujours le son de Prodigy que j'ai envie de vous faire écouter, là. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Anthony? Tu connais Prodigy ou pas? Sois le bienvenu. Ouais, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va, hein. Bon, tranquille, est-ce que tu connais Prodigy? Prodigy, ça me dit... Non, ça me dit rien, non. Ça te dit rien? Bah, Prodigy, en fait, la version qu'on a écoutée de Fédé Legrand avec No Good, c'est là. On va vous faire écouter la version originale dans un instant de Prodigy avec No Good. Voilà, et puis sinon ils avaient fait ça aussi là par exemple. Que je vous aurais bien mis ce soir là. Ah regardez, eh, putain avec ça vous êtes bien. Ah écoutez, surtout en pleine nuit comme ça là, vous êtes sur l'autoroute, ça trace. Ou même dans le lit. Ouais mais vous roulez à une voilà. Bien sûr, voilà, sans normal, mettre, ouais. Et ou alors vous êtes dans le lit là, tout le noir, le casque dans vos oreilles, enfin sur vos oreilles. Ah on peut être très bien là. Tu connais ça ou pas du tout Anthony toi? Ouais, si, ça me parle un peu, là. Attends, écoute. Le moment préféré de Toff. Ah. Il arrive. Attention, vous êtes prêts? Smack my bitch up. Voilà, Smack My Bitch Up qui veut bien évidemment dire il faut aller manger des petits bonbons. C'est ça. Voilà, en gros, non, ça veut dire avale ma bite, suce ma bite... C'est un peu ça, hein, c'est... Oui, c'est ça, c'est... Smack by Beach Shop, voilà. C'est... Oui, on peut le dire comme si ça. Si vous voulez de petites traductions anglaises, n'hésitez pas, bien évidemment, nous sommes premiers sur l'anglais. Il n'y a pas de problème. Mister Steven qui dit Michael, quand il joue des rôles pour piéger les gens, il est trop puissant, il rend toutes les histoires crédibles. Oui, c'est vrai, j'aurais dû faire acteur. Oui. Acteur à Hollywood, j'aurais dû essayer. Tiens, à Hollywood, pas. Ouais. À Hollywood, directement. On parle de quoi avec toi, Anthony, dans un instant, là? On va parler de mon histoire avec ma voisine. Ah, t'as fait une histoire avec une voisine, très bien. Eh bien, nous parlerons de ça dans quelques instants, ne bouge pas de là. Avant cela, il y avait Alexandre qui était là aussi là pour son défi top tweet. Alors, on va le récupérer, Alex. Allô? Alex? Ouais. Ouais. Bon, Maintenant, on t'entend mieux, c'est bien, t'appelles de Montauban et toi tu nous avais appelé parce qu'hier soir on avait passé la soirée en top tweet. Donc je vous avais remercié d'ailleurs de nous avoir mis en top tweet toute la soirée, c'est bien, ça veut dire que vous parlez de nous, c'est cool, ça fait plaisir. Et toi tu nous appelais donc parce que tu voulais faire un défi grâce à ça, enfin à cause de ça. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que tu veux faire exactement? Mon défi c'est de faire lever ma mère alors que là elle est en train de dormir. Et tu veux la faire lever, c'est-à-dire avec quoi? Enfin en criant, en faisant quoi? Bah je vais crier et tout. Ah, mais tu sais qu'elle va te démonter ta tête. Ah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, non, c'est mais. Pour l'émission. Écoute, alors si c'est pas grave, moi j'ai envie de dire vas-y, hein, pas de problème, hein, juste en criant très bien. Et tu lui passeras le téléphone évidemment après, hein, pour qu'on puisse entendre, ou alors tu mets le téléphone vers elle pour qu'on puisse entendre sa réaction, hein. D'accord. D'accord? Je commence? Ah bah vas-y mec, on t'attend là, on est tout oui. Allez, attends, je commence. Attention, attends, vous allez voir un petit enfant qui va se faire démonter la tête. Ça va, ça va, là, on va se faire lever là. Il est trop sûr que c'est là. Il est content, évidemment qu'elle est énervée, sa pauvre mère là, Alexandre. Ouais. Ouais. Essaye de lui passer le téléphone pour voir. Ouais. Maman, tu veux le téléphone? Dis-lui, c'est quelqu'un pour toi. Ouais, c'est qui? Bah, je te le passe, tiens. Allô? Oui, allô, oui. Ouais, bonsoir, allô. C'est Thierry, bonsoir. Je suis un pote d'Alexandre. Oui. Ça va? Je suis un peu abasourdi, j'ai pas trop compris pourquoi il m'a crié dans mes oreilles comme ça, mais ça ah va. Ah ouais, ouais, parce qu'on a fait un pari avec Alexandre et il a gagné maintenant là. Alors du coup demain on voulait aller demain on voulait aller au ciné du coup comme il a gagné alors ok. C'est possible? On peut ou pas? Oui. Ok, super. Ah, il vous a réveillé comme ça, mais alors vous êtes d'accord quand même? Ouais. Bah oui, il m'a réveillé comme ça là maintenant je suis toute énervée, je comprends rien là. D'accord, ok, bon bah c'est cool. Merci hein, et bonne nuit hein. Merci. Au revoir, vous pouvez me repasser Alexandre? Oui, bien sûr. Ok, mais merci hein. Allô? Eh mec, mais cool, franchement ta mère elle est super cool. Alors, franchement j'aurais un fils comme ça, moi je t'aurais mis une patate. T'aurais ça tiens, dans ta tronche. Moi j'aurais fait ça à ma mère, mais pendant 10 jours j'étais séquestré à la cave. Ouais. Ah ouais, elle lui aurait cousu les lèvres directement là. Tant de ce qu'il a dit, j'aurais été séquestré à la cave. Ah non, mais c'est clair, il y a Clem qui dit oh la vache, comment elle parle sa mère. Ah bah attends, mais c'est normal, l'hôtel roupie là, et puis l'autre il lui fout la merde. Il y a plein de messages qui arrivent aussi par rapport à ça. Putain, moi j'aurais fait ça à ma mère, elle m'aurait tapé. Ah bah oui, évidemment, putain, et tu fais ça souvent Alexandre? Oh, ça va, ça va. Ça va, ça va. Eh, écoute, j'ai envie de te dire tant mieux, Alexandre. Bon. On va faire ça plusieurs fois dans cette année. Ouais, de temps en temps, ouais. De temps en temps, si vous voulez réveiller les gens qui sont avec vous, copains, copines, parents, n'hésitez pas, évidemment, avec plaisir. Est-ce qu'il reste un petit casque DJ pour Alex, là, en stock, là? Oui, il n'en reste plus qu'un. Eh ben voilà, bah, très bien, Alexandre. On va te filer le casque DJ, là, Alex. D'accord, merci. Allez, je t'en prie, tu pourras devenir DJ, ok? D'accord. Ok, tu sais quoi, ça va être quoi ton blast de DJ? Ah, là, je suis pas encore. DJ Lelex? Ouais. DJ Lelex, c'est bien, hein? Ouais. C'est pas mal, ça. DJ Pose Caca. Ouais, ouais, ou DJ Pose Caca, tu peux aussi essayer si tu veux. Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien ce blast. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et chaque fois que j'arrive en bois, je mettrai un gros P. Ouais, une idée, ouais, une idée. Bon, Alex, allez, bonne soirée à toi, reste au standard, il y a Kelly et Lilou. Tu préfères laquelle, Kelly ou Lilou? Lilou. Lilou, pourquoi tu l'as déjà vu? Ouais, sur les photos, quand je regarde sur Fun Radio, Facebook et tout. Tu t'es déjà branlé sur elle? Bah, pas du tout. Non, mais dis-moi, hein, franchement, hein, t'inquiète pas, hein, toi, il a déjà fait. Hein. Il y en a plus belle que ça. C'est bon. Ça, c'est un bon, Alex, t'es un bon. Et la vérité sort de la bouche des... enfants. Voilà. Bon, Alex, je te repasse Lilou, hein, d'accord? D'accord. Allez, salut, Alex. Oh! Comment ça, tu lui fais un bras, un doigt d'honneur? Non, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, elle va te mettre des stickers, Alex, en plus du casque, d'accord? Des stickers en carton, d'accord. Ouais. Gros bisous, Alex. Passe une bonne nuit. Hein. À bientôt et merci beaucoup. Ciao, bye bye. Ah. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Alex? Ah, je vois, très bien, c'était pour dire au revoir, parfait. Bon, allez, la colle, dans un instant, la réponse, Jonathan, vite fait, on la répète encore un petit coup, là, c'est parti. Oui, alors c'est un homme qui habite au 13e étage. Oui. Pour descendre, il appuie sur le 0. Ouais. Mais pour remonter, il appuie sur le 6 et il fait tout le reste à pied. Pourquoi? Voilà. Il avait envie. Peut-être, ah c'est ouais. une idée. C'est un sportif. C'est la bonne réponse? Non. Non, très bien. Vous avez la bonne réponse. À vous de jouer. facebook.com/michaelofficiel. Eh bien, je vous offre évidemment votre iPod Nano. Si vous voulez gagner votre iPod Nano, il faut répondre à cette petite question sur le Facebook. Un homme habite au 13e étage. Pour descendre, il appuie sur 0. Pour remonter, il appuie sur 6. Et le reste, il le fait à pied. Mais à votre avis, pourquoi? Les réponses, vous les balancez en message sur le Facebook de l'émission. Là où il y a la petite photo avec l'iPod Nano. facebook.com/michaelofficiel. Et puis, on va revenir dans un instant. On fait le tirage au sort juste après Avicii, Jonathan. D'accord. Ok, allez hop, allez-y, facebook.com/michaelofficiel. Il y a un message de Paul PC28 qui dit aussi sur Twitter, la chance, moi la mienne, elle m'aurait accroché au fil à linge. La merveille, tu m'étonnes, évidemment, c'est clair. Allez Avicii, c'est le nouveau qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec You Make Me au cœur de plus de 2 heures sans pub sur Fun Radio. Jusqu'à 2 heures, on est à la cool et c'est Michael No Limit sur Fun Radio, bienvenue. Le son d'Avicii sur Fun Radio avec You Make Me, c'est le petit nouveau. Et puis je vous rappelle également que tout à l'heure, là, vous pouvez nous dire si vous voulez qu'on écoute également un son de Prodigy ce soir avant la fin d'émission, puisqu'on vous avait passé le son de Fédé Laurent qui avait repris No Good. Et du coup, comme on était dans les Prodigy, bah, je me suis dit pourquoi pas écouter éventuellement un vieux Prodigy genre celui-là. Avec Smack My Bitch Up. Qu'est-ce qu'il était bon celui-là, oh là là là là là là. Smack my bitch up. Qui veut dire va chercher du chocolat pour ta mère. Voilà, si vous voulez écouter celui-là, ou peut-être même éventuellement la version originale en fait de Fédé Le Grand avec No Good là, écoutez bien, c'est celui-là, écoutez. Celui-là, Toff là. Attends, vas-y. Ah voilà. Voilà, ça c'était un vieux son là, repris par Fédé Le Grand. Alors vous voyez, Fédé Le Grand, c'est ça? Alors écoutez. Voilà, vous l'écoutez l'un ou l'autre, vous nous dites, soit le Prodigy avec Smack My Bitch Up, soit la version originale de Fédé Le Grand avec Prodigy également et No Good. Voilà, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter, on attend vos messages. Ou alors le Smack My Bitch Up. En tout cas, ça va changer. Voilà. Donc, à vous de nous dire. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter. Et puis, bah, on en parle. Vous choisissez votre titre. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai ça avec plaisir sur Fun Radio dans un instant. Et puis, on va parler également des teubés de la télé, là. Et est-ce que tu regardes souvent les teubés, la télé, pardon, Anthony? Ça m'arrive, ouais. Ça t'arrive? Émission préférée, c'est quoi? Comme ça, là. Ouais. On va dire Secret Story. Oh là là, oui, toi t'es vraiment loin. Là. Attends, il y a Laura également. Ouais, je suis dans un autre monde, Laura, si tu regardes souvent la télé ou pas, Laura, toi? Salut, quoi? Tu regardes souvent la télé ou pas, toi? Ah, moi, je suis une fan de la télé. Eh, Michaël, par contre, je peux te demander un truc, Michaël. Tu veux pas un petit coup de pipeau, s'il te plaît? Mais bien sûr. Oh, tu te ah, plais, vas-y, attends, Polo va te faire pour toi. C'est ton plus gros pipeau. Arrête de parler. Arrête de parler, on peut pas le faire. Laisse-moi jouer. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que c'est qui? C'est le joueur de pipeau qui... Voilà, c'est le joueur de pipeau qui parle. Alors, attention. Un petit coup de pipeau. 3, 4. Voilà. Merci à toute l'équipe. Elle m'a dégueulassé. Tu l'as dégueulassé, tu as dit. Oh, mais c'est lui qui l'a dégueulassé, faut qu'il se suit les mains maintenant. Mais t'inquiète pas, c'est dégueulassé parce que t'as parlé dessus, Laura. Elle a pris des drogues, faut faire attention. Franchement, bon, vous êtes pas sympa. En mais si, on est sympa, Laura. Bon, attends une seconde, on va parler des teubés de la télé justement, puisqu'il y a Stéphane Plaza qui essaye de faire l'amour, qui essaye de faire de l'humour. Voilà, c'est sur M6 dans Maison à vendre. C'est vrai que faire l'amour dans Maison à vendre. Quoique. Vous savez où on va? En Normandie. Ah non, je croyais que c'était dans mon cul. Voilà, il essaie de faire de l'amour évidemment, mais c'est pas toujours simple. Oh, sur France 2, sur France 2 également, dans toute une histoire, on a trouvé un bon vieux pervers et non contre toute attente, c'est pas tof. Une fois qu'on aura pris le petit déjeuner, un petit tour dans la salle de bain. Ah, oh, j'aime bien, moi, je te vois toute nue, oh, c'est bien ça. C'est pas vrai. Ah, si, c'est impeccable ça. Je suis toujours pas. Ah, oui. Ah, ouais, donc, Tov a terminé dans tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde dans toute une histoire, pardon, sur France 2. Ah, oui. Lilou, dans quelle émission Tov il va terminer? Dans quelle émission il va terminer, Tov? Bah, il me fait un peu penser, tu sais, au mec dans Confession Intime. Au mec au pluriel, hein. Ouais, enfin, ouais, au mec du Nord, tu sais, qui sont dans Confession Intime. Bah, moi, en fait, je suis avec ma femme depuis 8 ans et. Ouais, genre, un peu comme ça. Mais il est mignon, il a une tête attachante, le pauvre. Il est mignon, il est con, quoi. Oh là là là là, du festival. Merci Lilou pour tout cet amour. Voilà, je m'en souviendrai. Bon, et toujours sur France 2, tout le monde veut prendre sa place là. Attention, on a un grand connaisseur en musique française. Et oui, ça n'arrive pas tout le temps. Il faut pouvoir le préciser. Qui a écrit les paroles de cette chanson sur Judas intitulée Ballade pour un traître? Pauvre Judas qui tendait les mains. Ah, écoutez bien la réponse. Faf la rage. Putain, en plus ça ressemblait tellement au son flow et tout. Hein, le flow, parce que pour info, c'est Serge Reggiani qui chantait ça. Le Serge Reggiani et Faf la rage, c'est quand même très ressemblant. Ouais, attends, des cousins. Des cousins, je pense que tu as mis le doigt dessus. Bon, plein de messages qui arrivent également là ce soir sur le Twitter, sur le Facebook. Il y a le Prasséa qui dit moi je veux le vieux Prodigy, c'est un bonheur. Nous aussi on veut un Prodigy, c'est super puceau. Je vais écouter le son du Prodigy tout à l'heure. Eh ben, très bien, tiens, je vois que vous voulez. Tiens, il y a Antonio qui dit moi je te trouve très belle Lilou. Ah, c'est Antonio qui avait envoyé le message. On salue la Ligue Braille qui nous écoute ce soir. Ouais. Ah, là j'avais rien à dire, désolé. Voilà, il y a Paul PC28 qui dit impossible de s'endormir avec des génies comme vous. Merci Paul. Mathieu qui dit Mickaël, tu pourrais faire n'importe quel métier, tu serais parfait dans tous les métiers. Je te remercie Mathieu, mais tu n'auras pas de cadeau pour autant. Maxime qui dit écrire une lettre de motivation pour un CDI en écoutant vos délires, c'est juste impossible, vous déchirez. Et Ramed qui dit la vie de ma mère, ce serait moi qui aurait fait crier ma mère comme ça, je ne serais même plus en train de vous écouter, la mort de rire. Ah bah ouais putain, c'est-à-dire qu'on a eu l'auditeur là tout de suite là qui a réveillé sa mère, mais d'une violence. Il y a Jonathan qui dit il est con le gosse. Ben non, au contraire, on nous a bien fait rire. Et Super Puceau qui dit il est infernal ce gars avec sa mère. Il y a Fan de Mickaël qui dit je suis dans mon lit avec mon casque. C'est bon ce son là, j'adore, envoie-moi le titre. Bah, c'était Prodigy avec Smack My Bitch Up qu'on mettra peut-être tout à l'heure en intégralité. Bon, attention, ça va être dur pour les oreilles, mais nous allons reprendre maintenant Laura. Oh là là là là. Laura, tu es là toujours? Je suis toujours là, Mickaël. Très bien. Bon, Laura, tu nous appelais pourquoi, toi? Alors, en fait, Mickaël, j'ai un gros problème de ouf, c'est un gros problème de psychopathe. Oui, que se passe-t-il? Tu prends trop de drogue. Attends, j'arrête pas de me doper à la moquette. J'en ai marre, Mickaël. Comment je peux faire pour arrêter de fumer de la moquette, s'il te plaît? Attendez, moi j'ai une idée, j'ai le lance-flamme. C'est dégueulasse. Vas-y. Ah là, c'est l'idée. Game over. Bon, que se passe-t-il, Laura? Tu m'as déjà fait dire. Écoute, Mickaël, j'ai un gros problème. Dis-moi. En fait, tu vois, il y a deux semaines, j'ai rencontré un mec. Ouais, jusque-là, c'est jamais reculé. Voilà. Donc t'as vu, au moins ça veut dire que je suis pas un travelo déjà. Donc ouais. Là c'est déjà attends, bien. Mais justement, attends. Laura, combien mesures-tu? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? Attends, je te connais, après il va me demander c'est quoi ma poitrine. Exactement. La de cuisse. T'as tout compris, bah vas-y, fais-nous gagner après, du temps. Il va me dire, tu mets quoi comme, tu mets des strings ou des brésiliens? Non, ça non. Alors, donc ton poids? Alors mon point c'est, alors mon point fort ou mon point faible? Non, ton poids. Ton poids en kilo. Ah oh, mon dieu. Oh my god. Je ne vais pas survivre. Donc, quel est ton poids en kilo? Je sais pas, tu me payes combien pour que je te dise mon poids? Je te paye rien, je te demande juste de me donner ton poids. 58 kilos. Voilà, quel est ton tour de poitrine? Bon, attends, ça ne regarde pas, combien tu... Alors par contre, ça coûte cher ça par contre. Hein. Oui, d'accord, bon alors, donc combien? 95D. Voilà, et la taille des pantalons que tu as acheté? Oh, c'était un petit 38-40. Mais... Ah, je vais te fermer. Attendez, j'ai besoin de me reposer là. Mais tu vois, si j'y allais, elle aurait la bouche pleine et on en parlerait plus. Oh merci Toff. Oh t'es dégueulasse, franchement t'es dégueulasse. Ah ouais, la grande grande classe. Ma bouche elle est vide hein. Ouais bah, mais justement ouais, justement. Je peux te la remplir, y'a pas de soucis. Bon. Oh c'est dégueulasse. Alors, tu vois, on t'a depuis. Ah ben voilà, on est vendredi 13, là, depuis qu'on a, on sent bien qu'il y a un problème avec ce vendredi 13 là. Ouais, y'a un truc bizarre, je crois que c'est la pleine lune, Mickaël, je crois. Ouais, je crois que c'est la pleine lune. Ça doit être ça. Depuis nous t'avons rencontré, Laura. Le comportement, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Dis-moi tout. C'est flou dans ma tête. Oui, ça, je le vois bien. Peur, Mickaël. Dis-moi, Laura. Arrête tes conneries. Pourquoi tu m'appelles, Laura? Je sais pas. On dit... ouais. Tu m'entends? Allô? Laura. Oui. Qui est la deuxième personne dans ta tête? Moi, je sens pas que. Oh, c'est dégueulasse. Là, on est 36. Ah bah oui. Oui, ça, c'est sûr. Pour faire autant de bruit, il faut bien 36 personnes. Alors, est-ce que vous pouvez vous organiser, choisir un chef qui puisse parler? Bah, c'est bon, j'ai trouvé le chef. Ça y est, bon, c'est bon. Parfait. Ça va être toi, Mickaël, le chef. Hein. Parfait, mais je ne suis pas dans ta tête. Mais, Non, tu es dans mon cœur. Oh, c'était trop beau. Oh. C'est beau, c'est alors beau. Moi, c'est j'ai beau. Pas oh, c'était mignon. Hein. Bon, Laura, par pitié, qu'est-ce qui se passe? Bah, par pitié, je sais pas trop. Hein. Non, je rigole. Non, en fait, alors, je t'explique. Alors, je peux t'expliquer vite fait ou pas? Ah bah, avec plaisir. Alors en fait voilà, il y a une semaine j'ai rencontré un mec qui est en fait, moi je suis en Normandie, le mec tu vois il habite en Bretagne et en fait donc il fait des déplacements. Donc, et malgré tout il t'entend et ça c'est beau. Alors attends, laisse-moi parler, attends, je vais t'expliquer vite fait parce que du coup je suis un peu perturbée. Est-ce que tu as bien conscience de la notion de vite fait? Je sais pas trop en fait, c'est un peu flou dans ma tête. Oui, ça par contre c'est bien, faut t'avouer à moitié pardonner comme on dit. C'est ce qu'on dit toujours ça normalement, mais bon, moi je pardonne tout en fait quoi, tu vois. Bon vas-y, c'est pas le débat. Ouais. Donc en fait j'ai rencontré un mec et en fait le mec il s'avère qu'en fait j'étais des déplacements, donc il est venu me voir. En fait le mec il a une copine, je savais pas en fait, mais on a couché ensemble avec le mec. Ouais. Et en fait j'ai su par son portable qu'il a une copine et du coup en fait le mec il m'a avec moi. Attends, reste calme putain. Et déjà moi j'ai l'impression de parler vite, mais putain je suis une vieille locomotive à côté de toi. Et en fait le mec en fait il a envie de rester avec moi. Il a envie de rester avec sa copine avec moi. Oh Pipo. Donc il a su par son portable qu'il avait une copine. C'est-à-dire. Bah oui, parce qu'en fait il a trop de copines, mais Son portable est venu te parler et t'as fait. Il a une copine. Non, c'est moi qui a dit ouais t'as une copine. Et lui il m'a dit bah non j'ai pas de copine, j'arrête de mentir, t'as une copine. Alors après il m'a dit bien sûr j'ai une copine. Donc maintenant je me retrouve dans une impasse, moi je sais pas quoi faire. J'enlève mon casque, hein, si ça ne dérange personne. D'accord, mais en quoi le portable a un truc à voir là-dedans alors? Ouais, parce que j'ai pas compris le concept non plus. En fait j'avais dormi avec. On a dormi ensemble. D'accord. Et en fait pendant qu'il dormait, moi j'étais un petit peu pas dans son portable. D'accord, voilà. Ok. Merci Toff pour le dafalgan. Hein. J'ai vu ton message, la fille, genre salut chérie, bonne nuit, je t'aime, I love you et tout. Et moi j'étais à côté. Et j'ai vu le message et je sais pas quoi faire maintenant. Et ben maintenant je suis attaché, lui il est attaché aussi, on est tous les trois attachés. Ah, vous êtes tous les trois attachés, donc vous êtes un peu sadomaso quoi. Si non, voulez, moi, ça va pas, Mickaël, arrêtez. Bah tu dis que vous êtes attaché. Mais si vous voulez, on est attaché, sentimentalement, mais pas sexuellement quoi. D'accord, ok. Voilà. Et bien devenez amis. Bah oui, mais c'est pas vrai, sa copine, elle est frigide, sa copine. Qu'est-ce que t'en sais, tu la connais même pas? Ouais, c'est ça. Bah oui, mais j'ai même pas besoin d'avoir, de toute façon, quand on voit ses messages, de toute façon, elle est un peu frigide. Hein. Ouais. Et t'as une copine avec toi, Laura? Je suis avec un ami. Ah, passe-le-nous deux secondes. Tiens, vas-y, toi, je te le passe. Full bordel, Pipo. Pipo, attends, je te le passe. Oui, vas-y. La drogue, c'est mal. Hein, je te donne le rappel. Ouais. Allô, l'ami? Ouais. Putain, comment tu fais? regarde dans quel état il est. Hein. Oh le pauvre. Comment tu fais pour supporter Laura? Ça fait 5 minutes. De quoi? Moi je pense bien supporter. Oh, j'ai pas compris. Elle est bien supportée aussi. Ah ouais non mais là parce que là c'est l'excès là non? C'est violent là non? Non même pas non. C'est non. Violent, non non d'accord. Okay, parce que je te sens au bout du rouleau là pour toi. Ah non pas du tout mais bon. D'accord, parce que je pensais que t'étais au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu penses toi de son histoire là? Qu'est-ce qu'elle doit faire à ton sens? Un vrai mec, s'il l'aime, il fait un choix. D'accord. Mais vous êtes amis là, hein, vous êtes pas. Vous non, avez, je jamais... pense qu'il est séquestré. Tu veux qu'on t'aide? Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Dis-nous vite 1, 2, 3 si jamais tu veux qu'on appelle les flics. Non, pas tout de suite. Non mais vas-y, n'hésite pas. Oh, sinon, Mickaël, Eh, tu continues, j'appelle la bac et je t'envoie sur radio, moi, tu vas voir. Hein. Oh. Attends, j'appelle la bac, je fais police, bonne radio. Encore rire, oh là là. Ouais, on est là, là, qu'est-ce qui se passe? On nous appelle en renfort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la police qui arrive à faire de radio, ça y est, c'est le bordel, ça y est. Laura? Oui, Michael, dis-moi. C'est toujours comme ça? Moi, je suis toujours comme ça, moi, ouais, ouais. Mais quand t'es en pleine forme, là, c'est comment? Ah, bah, c'est encore pire, Michael. Je t'imagine même pas comment c'est. Mais moi, je veux. Enfin, tout à l'heure, je faisais le fanfaron et tout, je dis, je vais aller jusque là-bas et tout, mais en fait, non. C'est-à-dire que. Bah, viens, je t'amène à boire un verre, jamais, jamais, jamais. Ne touche pas, je suis pas sûr de survivre. Et ça se trouve, c'est super. T'inquiète pas, je te jure, Michael. Attends, un peu de calme, un peu de calme. Attends. Cette minute de calme et de détente. Vous avez mis le grand bleu, le grand bleu, vous avez mis le grand bleu avec le dauphin. Tu peux. Respecte, Laura. Oh, le dauphin, c'est ça, Michael, le dauphin. Elle est où, Lilou? Kelly, elle est où, Lilou? Lilou. Voilà, on s'est à peu reposer. Vous avez des bonnes standardistes, hein, parce qu'on va mettre le feu quand même. Hein. Oh putain, elles sont super ouais, sympas. Hein. Comment tu dis en fait, l'objectif, c'est de décrocher le téléphone, pour mettre le feu. Ouais. En fait, quand je vais appeler, vous n'allez plus jamais me répondre. En fait, vous n'allez plus jamais me répondre au téléphone. Mais si, attends, il n'y a pas de problème. Oh, vous êtes gentil. Bon, Laura. Par contre, on ne sait pas, mais. Laura. Dis-moi tout. On va mettre un peu de son, là. Ouais, et on se reprend après. Bien sûr. Ouais. Mais... Ok, ça marche. T'as envie d'écouter un son particulier, là? J'aimerais que tu mettes Davichi. Davichi. Ouais, Davichi. Davichi avec code, c'est le nom du. Non, mais c'est Kinbe. Kinbe, mais Kinbe. Kinbe, il est bien Kinbe. Avec plaisir. Non, je perds pas, moi j'ai pas l'impression de me perdre. Nous sommes au regret de vous annoncer que malheureusement, Michael nous a quittés pendant ce disque. Ouais. Nous tenons à lui dédier la fin de cette émission à lui et sa famille à laquelle nous pensons très fort. Mais malheureusement, Laura a eu raison de lui. Ouais. Michael, tu resteras dans nos cœurs. Ouais, je pense. Adieu. Laura ouais, mais... Laura oui. Laura, on est à l'antenne. Allô, allô. Oui, oui, ben bah voilà. Bon, ben bah, Mickaël est mort. Hein. Pipo, moi. Ouais, mais voilà, donc malheureusement Mickaël nous a quitté, donc on va continuer l'émission sans lui. Parti, oh, ah bah oui. C'est qui maintenant? C'est qui est là maintenant? Bah tu l'as tué, hein, donc il reste Polo et Toff. Polo et Toff, Toff il est là, Toff, ouais. Oh, je suis très content d'être parti, hein. Je suis content d'être mort. Ça va, Toff, il est où, Toff? Bah il est là, Laura, je suis là. Ça va, Toff? Oui, ça va, Laura. Il y a Fabien qui dit, faites la terre s'il vous plaît, je vais péter un plomb, je vais devenir fou. C'est juste une tuerie, cette fille, c'est Thomas. Il y a Blaze Bleu qui dit coup de pelle dans sa gueule, s'il te plaît, d'accord. Oh, ils sont vraiment méchants, les gens, quand même. Mais non, Laura. Mais Laura. Bon, attends, Laura, deux secondes. On va d'abord donner la réponse à la colle, là. On est déjà à la bourre. On devait le faire à minuit et demi, mais du coup, j'ai été perturbé par Laura. Jonathan? Oui. Elle t'a fatigué aussi ou pas? Oui. D'accord, nous voilà rassurés. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Laura? S'il te plaît. Tu peux me laisser lui parler? À qui? À l'autre, là, Jonathan. Jonathan. Jonathan, salut, ça va? Oui. Comment ça, je t'ai fatigué, toi? T'es fou, quoi, toi? Attends, je suis gentille comme fille, moi, attends. Non, mais allô, quoi. Allô? Pression dégueulasse comme ça, là, en plus. Pourtant, en plus, j'ai la bouche vide, hein. J'ai pas la bouche pleine. Hey, Laura, je peux te poser une question? Dis-moi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ta photo? Franchement? Ouais. Je suis trop belle. Ouais, oui, mais justement. Ah, je rigole. Si tu veux, j'ai mon Facebook, c'est Lola Laura, mon Facebook, si tu veux. Ok. Alors. Par contre, cherche, Pipo cherche. Pour toi, allez. Allez, Pipo. Pipo, okay. Allez, Pipo, un petit coup de Pipo, allez. Bon. Non, à part ça, Jonathan, ça va, Jonathan, tu nous à part ça. Je peux mourir à tout moment. Jonathan, on va appeler le gagnant. D'accord. Allez. Je suis épuisé. Eh, pourquoi ils sont tous énervés contre moi comme ça? Personne n'est énervé contre toi, c'est juste que tu vides, quoi. Vite. Bah moi je suis comme ça moi avec non bah non il y a plus Mickaël, il est parti, il a même voilà, pas dit au revoir quand il est parti. Ouais, bah oui. Je m'appelle René. Il est comme ça lui quand il part, il dit bah, c'est toi Mickaël, c'est René le nouvel animateur qui vient d'arriver, ça va René, ça va René ou quoi? Ouais toi ouais. Vieux pervers. Comment ça vieux pervers? Je m'appelle René, c'est tout. Ouais, ça vieux pervers. Bon, écoute, Laura, tu nous laisses appeler le gagnant là? Ouais, je sais pas trop. C'est moi la gagnante. Toi on te donne le cadeau. Allez, Jonathan, on va l'appeler hein. Allez, on l'appelle. Ça va aller. Ça va bien se passer, je crois. Mais oui, bah, j'espère en tout cas. Bon, si la personne qu'on appelle maintenant... Moi, j'ai pas envie d'avoir un cadeau, moi, je veux un cadeau. Pitié, Laura, je t'en supplie. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, eh bien, ce sera gagné. Pour elle, en tout cas. Sinon, Jonathan, ce sera gagné pour toi, évidemment. La réponse à la colle maintenant, c'est parti. Ouais. Jonathan, ça s'annonce bien pour toi. Ouais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange. Bien vu. De... Cédric. C'est dommage, Cédric. Salut Cédric, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, on t'appelait pour la colle. Jonathan, pose la colle quand même à Cédric. Alors Cédric, c'est un homme qui habite au 13e étage. Pour descendre, il appuie sur le 0, mais pour remonter, il doit appuyer sur le 6 et faire tout le reste à pied. Pourquoi? Voilà. Alors Cédric, est-ce que le répondeur a une réponse? Ah bah non. Malheureusement non. Cédric s'est perdu et puis Jonathan, bravo à toi. Ouais. L'iPod Nano est pour toi. Merci. Félicitations Jonathan. Bah voilà, comme quoi finalement tu y es arrivé là. Ça valait le coup d'attendre. Oui. Bah voilà. Bon bah bonne soirée. Je vais faire une petite dédicace. Allez vas-y Jonathan. Alors je fais une petite dédicace à tous ceux qui m'ont écouté. Très bien, eh ben, on embrasse tout le monde, y compris à Cédric évidemment qui vient de te laisser l'iPod Nano, hein, bon comme il est. Et puis j'ai, on va dire, une sorte d'ami qui voudrait parler. Eh ben très bien, fais-la parler, si c'est comme Laura c'est pas la peine. Ah ouais, c'est vrai, c'est pour non, moi non. non. Salut, ouais. Qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi tu dis que moi je te prends la tête? Attends, je suis une fille gentille, moi tu me connais oui, pas. Mais oui, t'es gentille Laura. Oh, bientôt j'aimerais vous voir à Fun Radio si vous êtes gentil avec moi. Avec ah, malheureusement, on va brûler ce soir après l'émission, mais oh, une bombe dans la radio. Lance-toi, allez hop. Lance-toi, ah, vous m'avez fait plus lance-toi, c'est mort. Ça veut dire au revoir Laura. Mais non, t'es là, on va essayer de trouver une solution. Si jamais quelqu'un a un conseil et qu'il est prêt à venir dans l'arène pour tenter de donner. Surtout s'il y a un beau gosse qui m'a parlé, surtout moi je suis célibataire. Hein, bah, c'est dans ces moments-là, normalement Laura, je dis je suis là, mais là non. Dédicace pour toutes mes copines, pour Sylvain, pour Aurélie, Tiffaine, Marie, Myriam. Laura, on fait une pause. On fait une pause, Laura, deux secondes. Jonathan, qui voulait parler là? J'ai pas suivi. Gollum. Gollum. Bah, passe-nous Gollum. Le Seigneur des Anneaux. Très bien. Vite fait, Jonathan. Je suis Gollum. Oh putain, c'est une imitation de mon début, ça. Mauvais, c'est une imitation de merde. Oh merde. Ah non, c'est pas mauvais. Si, t'es très mauvais. Gollum. Tu sais quoi? Je te passe Laura. Ah non. Vas-y, passez-moi le Gollum. Allô, Gollum. Gollum, ça va ou quoi? Bien. Oh, mais non, tu vas bien, alors tu t'appelles comment gorge, sinon? Je dirais pas Gollum. Tu t'appelles comment? Gollum. Mais t'es pas sérieux, mais c'est quoi ce nom là? Tes parents ils ont pas honte? J'ai porté plainte contre tes parents moi. Oh c'est dur. Bon, Laura? Oui. On va essayer de trouver quelqu'un, hein, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, salut Jonathan. Au revoir. Allez, ciao. Et puis nous avons Anthony avec nous là maintenant là. Bonsoir Anthony. Bonsoir, ça va? Ah putain, t'es normal. Ah. Tu parles sans crier, tu parles à une vitesse normale. Ouais, ça m'arrive d'être normal comme ça m'arrive d'être fou aussi hein. Ouais non mais là c'est non, bien mais tu reste vois. Comme ça. Surtout reste comme ça ce soir, c'est bien. Ouais, je peux me mettre en mode comme Laurent. Non, surtout pas. Restons ouais, tranquille, restons calmes ce soir, on est bien. On est bien, d'accord. On est bien. Dis-moi Anthony, tu te souviens de l'émission là, on a échangé nos parents? On a échangé, ouais. Ouais, bah ça existe vraiment hein, aux États-Unis, les parents adoptifs, quand ça se passe pas bien en fait avec les enfants, bah ils peuvent les échanger. Ah d'accord. Ah ouais, et donc du coup, bah Toff, si tu veux essayer d'échanger tes gosses? Oh, bah bien sûr, oh là là. Parce que je rappelle que Toff est certainement père d'au moins une dizaine d'enfants un peu partout en France, en Belgique, un peu partout. Et un peu partout dans le reste du monde. Et un peu partout dans le reste du monde, exactement. Sauf en Asie, oui, effectivement. Donc tu vas l'échanger pour le week-end? Bah je vais essayer. Bon, il a l'air tellement mignon. Oui. Oh, viens là, petit. Viens là que je t'étouffe avec le coussin. Oh, t'es con, Tof. Bon, on va faire quelques petits échanges dans un instant, on va essayer en tout cas. Qu'est-ce qui t'amène, Anthony? Dis-moi. Alors moi, j'ai ma petite... En fait, j'ai un petit problème. Ouais. J'ai un petit souci. Dieu, bah en fait, je suis avec ma copine. Oui. Et donc, j'ai des voisins, parce que je suis en pavillon, j'ai des voisins. D'accord, jusque-là, tout va bien. Si tu veux, la... Ouais, jusqu'à là, tout va bien. Et la voisine, en fait, elle s'entend bien avec mes parents. Donc, ouais. Elle est mariée. Elle a 30 ans, elle a deux enfants. D'accord. Un enfant de 8 ans et un enfant de 4 ans. Mm-hmm. Et si tu veux, en fait, moi, je suis plombier, donc, dans mon métier. Et elle m'a demandé un service un jour. Et j'ai été chez elle. Et en fait, si tu veux, pendant que je lui réparais son problème, et bah, j'ai vu qu'elle me taquinait, qu'elle me cherchait, qu'elle me chauffait, quoi. D'accord. Du coup, bah, au début, j'ai rien dit, j'ai fait le timide, puis après, bah, je me suis dit, vas-y. Hein. Ouais, vas-y. T'as raison, vas-y. Vas-y, je cherche. Et comme par hasard, c'est le plombier qui se fait chauffer par la voisine, ça c'est bon, ça. Digne d'un film de ça, cul. C'est bon, ça. Ah ouais, digne. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, du coup, je me retrouve dans une impasse parce que du coup, elle veut pas arrêter et ma copine, bah, je peux pas lui dire. Ah oui, elle était dans la merde, mais bah, en même temps, il faudrait agir avant aussi, hein. En plus, elle vient manger chez moi et tout, hein. C'est un truc de fou. Oh, mais encore, c'est la voisine, tu peux encore le faire passer, genre, ouais, la voisine, elle vient manger à la maison, tu vois, c'est pas comme si c'était une meuf totalement inconnue, quoi. Ouais, mais bon, c'est son mari, je le connais aussi, on va jouer au foot et tout, donc. Ah putain, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'es pas bien avec ta meuf? Si, je suis bien, non, mais je sais pas, parce que j'ai c'est le fantasme, c'est le fantasme, c'est le fantasme. Elle est vraiment, c'est vraiment une belle femme. Oui, non, mais d'accord, mais parce qu'en plus la meuf elle est mariée, c'est ta voisine. Tu sais, c'est même pas une cliente que tu reverras plus jamais parce qu'elle habite à l'autre bout de la ville. C'est ta voisine. Ouais, non, mais je sais, mais. Ah, t'as mal joué ton. Ah ouais. Ah bah mec, t'as mal joué ton coup là. T'as mal joué ton coup. Bon, et ta copine, t'es avec elle depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Ouais, bah tu sais ce qui t'attend, à un moment ou à l'autre, elle va le savoir et. Dans ta gueule. Mais en plus, elle m'a demandé en fiançailles là. Oh là là. Et puis bientôt il y aura le bébé. Mais si tu veux, je peux essayer de te l'échanger pour le week-end. Oui, ça on peut faire, effectivement. Ouais. Ça on peut essayer. Ouais. Bon, Anthony, oui. Reste là, on va essayer d'en parler. Enfin, on va essayer de trouver une solution, j'en sais rien, mais en tout cas en parler. Est-ce que vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine? Comment ça s'est passé? Surtout si c'était avec un voisin, une voisine, meilleur ami. Bref, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle vous a grillé? Comment est-ce que vous lui avez dit? Venez nous en parler surtout. Et puis on en reparle dans un instant justement. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ouais, Anthony. Ouais, j'avais juste. Et je pense avoir trouvé la réponse de la question pour l'ascenseur. Oui, bah ça, on a en même temps on l'a donné, hein, Anthony. Hein. Ah, vous l'avez donné? On l'a donné il y a 10 minutes. Oh putain. Mais c'est bien, c'est quoi la réponse? C'était un an, non? Oui, c'est ça. Tu vois, t'aurais gagné l'iPod Nano. Bah ouais, c'est con, putain, hein. Putain, quelle galère. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Prochaine fois, Anthony. Hein. Ouais, c'est clair. Surtout que la semaine prochaine, j'aurai des PS3, des iPads à vous offrir aussi, donc tu vois, sympa. Ah bah ça, c'est cool, ça. Plutôt et cool. La PS4. Eh bah si bien sûr, dès qu'elle arrive, on vous la filera, il n'y a aucun problème, ça tombe sous le sens. Ah, ça c'est bon, généreux, ça. Anthony, on fait un premier appel là maintenant pour essayer d'échanger le gosse, hein, comme ça, des fois que t'en es un, on sait jamais, ça peut servir. Donc on appelle avec Tof. Allons-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, puisque je rappelle qu'apparemment, donc l'émission On a échangé nos parents existe vraiment aux États-Unis, hein, donc les parents adoptifs, quand ça se passe mal avec eux, ils peuvent les échanger, donc on va essayer de faire pareil avec les enfants de Tof. On y va? On y va. Allez, c'est parti, on y go. On appelle. Tu crois pas trop parce que changer un gosse, je suis pas convaincu. Attends, Anthony. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si c'était possible que vous gardiez mes enfants pour le week-end. Ben, ça me va pas, docteur. J'en ai déjà assez. J'ai pas fait une crèche, moi, ici. Hein. Ben, on peut peut-être échanger, alors. Je prends les vôtres, je vous donne les miens. Ah non, bah visiblement non, ça lui fait pas non, plaisir. Est... C'est pas une crèche ici, attends, oh. Qu'est-ce qu'il y a ici là? C'est pas une crèche. Bon, on rappelle un autre? Ouais, allez. Bon, allez hop, c'est parti. Allez hop, on y go. Oui. Bah y'a plus personne là. 1h du mat, ça va, c'est pas si tard que ça. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que, voilà, est-ce que vous avez des enfants? Ça vous regarde pas, monsieur. Bah, si, parce qu'en fait, en fait, le mien est insupportable et j'aurais bien voulu l'échanger avec vous. Non, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, alors... Bah, oui, mais ça n'a pas d'importance, monsieur, je vous laisse mon enfant et je vous prends le vôtre pour le week-end. Allô, monsieur? Oh, dis donc, il a botté en touche. Ah, d'accord, ok, bon, on va le rappeler, tiens. Il nous met en attente. Bah oui, c'est ça, il nous met en attente, il est ouf ou quoi, on rappelle. Allez hop, c'est parti. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui, alors. Ben en fait, voilà, je voulais savoir si ce week-end on aurait pu échanger nos enfants. Non, monsieur, excusez-moi. Ben je vous laisse le mien. Au pire, je vous le laisse. Moi, je vous laisse ma femme à la place. D'accord. Ben écoutez, je pense que c'est un deal qui peut bien marcher. Oui, c'est vrai que ça aurait pu bien marcher. Malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout et c'est bien dommage. Bon, on revient dans un instant. Anthony, bouge pas de là. On essaiera d'appeler d'autres personnes aussi. On a Guillaume. Oui. Guillaume, t'es sûr que t'es bien dans ta tête? Oui, je vais bien dans ma tête. Eric aussi, t'es bien dans ta tête? Ouais, tranquille. T'es sûr, hein? On vous a pas forcé. Kelly et Lilou vous ont pas mis flingue sur la tempe. Non. Non, pas du tout. Et t'as vraiment des bonnes sortes d'arbitres. Tu peux pas m'en lâcher une là, parce que je fais un changement de télé pro là. Elles sont à moi les standardistes. Hein. Pas de problème, je les paye le double. Et donc vous voulez parler à Laura, c'est ça, hein? Oui, ah, exactement, ouais. Allez d'art, franchement, allez d'art. Ouais, grave. Vous êtes sûr? Sûr, ouais. Vraiment, ça, plus aucune hésitation. Bon, je suis quand même bon, je vais vous laisser le temps de me tenir avec Snow White pour être vraiment sûr, vous faites pas de conneries, hein, d'accord? D'accord. Allez. D'accord. Bon, bougez pas, il est 1h du mat sur Fun Radio. Là, bonne nuit tout le monde, si vous venez de débarquer. C'est Mickaël, No Limits. Il y a un message qui est arrivé, le petit panda qui dit moi j'ai jamais trompé. De quoi? J'ai jamais trompé HTTP, mais on m'a trompé. Ah oui, d'accord, ok. Donc on m'a trompé. Voilà, ouais, voilà. C'est... Oui, bah ça arrive, ouais. Un peu comme moi quoi. Ouais, il y a Super Puceau qui dit moi aussi je suis célibataire, même Puceau et même pas elle m'approche Laura. Et Blaze Bleu qui dit merci pour le coup de pelle Mickaël, je t'aime. Oh, c'est gentil Blaze Bleu. Laura, t'es gentil mais t'es lourde, c'est Maxime qui a envoyé le message. Ah bah elle va être contente, tiens. Bon, on fait ça dans un instant, on relit tous vos messages en direct, évidemment, vous balancez tous ces messages sur le Twitter. Je vous rappelle qu'on célébrera également le top tweetos de la fin de la semaine, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, l'auditeur de la soirée, voilà, le meilleur auditeur. À vous de jouer, donc vous mettez un maximum de hashtag Mickaël, tout simplement, M-I-K-L, les 4 lettres, sur Twitter. On écoute Motonheads maintenant, c'est Snow White. Shadows in my heart. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent aussi, évidemment. Venez nous rejoindre aussi, nombreux et nombreuses, hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. On discute évidemment tous ensemble. Vous réagissez à l'émission en direct live, bien entendu. Et puis pareil sur l'Instagram et sur le Twitter de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Vous me faites un follow et je vous ferai un follow à mon tour. Et je vous rappelle aussi que dans moins de 50 minutes maintenant, eh bien, on pourra donner le nom du top tweetos, l'auditeur le plus influent ce soir sur le Twitter de l'émission. Et donc, pour l'instant, le 5e et le 4e sont... Alors, le 5e et le 5e, c'est... Alors, c'est Paul PC28. Ah, Paul PC28, ouais, il a beaucoup tweeté ce soir, effectivement. Ouais, Paul, bah, bravo à toi, 5e pour l'instant, là. Numéro 4 4, un habitué maintenant du top 5, gamer du 772. Gamer 772, très bien. Habitué du top 5, mais pas du tout de la première place, en revanche. Ah non, j'ai dit un habitué du top 5. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, si vous voulez devenir le meilleur auditeur de la soirée, être dans le top tweetos, donc dans les 5 premiers déjà, voire même le premier ou la première, à vous de partager un maximum de fois, plutôt d'écrire un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. C'est comme ça que ça monte. Il y a Danoï qui dit mort de rire avec Mickaël, bah ouais, mort de rire aussi grâce à vous, hein, surtout grâce à Laura. Petit panda qui dit Mickaël coup de lance-flamme dans sa gueule et on l'a fini avec le scout de Toff. C'est une idée, petit panda, je garde ça pour comme idée sur le côté. Et Olivier qui dit oh mais c'est un truc de malade Laura, cette meuf est sous coke ou bien, bah je sais pas, écoute, je t'avoue que je sais pas très bien sur sous quoi elle est, mais elle est sous quelque chose, hein. Laura, hein, oui. Bonjour. Laura. Ah! Ah! Ah! Ah! Bon, ah. Laura! Oui, alors j'ai entendu, apparemment je suis gentille, mais je suis trop lourde. Non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que t'es sous coke apparemment. Oh, elles sont pas gentilles. Eh, franchement, les auditeurs, j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est bon, soyez cool avec moi, quoi. Je suis une meuf, je suis super cool comme ça. Laura, fille, par contre, libère le détenu, la personne que tu séquestres. Attends, j'ai une plume dans mon cul, je crois. Attends, faut que je l'enlève. Attends, ah, bouge pas. Voilà, je pense que ça ira beaucoup problème. Mieux. Bon, Laura, oh, attends, Laura! Où, Laura! Ouais, je suis là! On va faire un speed dating là, il y a Guillaume et Eric qui veulent te draguer. T'as pas une casserole là qu'on lui tape dans la tête? Méchant, franchement, ça, je suis vraiment chiant. Non, franchement, je suis vraiment chiante ou pas? Tu parles trop en fait, c'est juste ça. Franchement, sérieux? Tu parles trop, t'es pas chiante, tu parles trop. Laura, je suis gentille quand même. Laura, on peut se parler franchement? Dis-moi. C'est sérieux. Et toi, t'es vraiment un pervers. Ça, c'est vrai. Oui, ça, par contre, ça, par contre, c'est vrai. Bon, ça, Laura. Parce qu'à chaque fois que t'as une meuf à l'auditrice, à chaque fois, tu te dis, c'est quoi ton tour de poitrine? Franchement, il y en a marre hein, de ce bordel. Hein. Tu peux pas changer de registre un petit peu, ouais, dire, en fait, c'est quoi ton tour de pied, ton tour de string. Tu vois, si je lui demandais son tour d'omoplate, ça serait moins sympa, tu vois. Ouais, ou sa pointe de chaussure, tu vois. Je demande toujours, à chaque fois à la radio, tu me demandes toujours le tour de poitrine. Ah oui, je suis là. Bon, je te présente Guillaume. Ouais, salut Guillaume. Salut Laura, ça va? Et bon courage avec. Salut, mais Une minute pour discuter ensemble. Une minute pour discuter avec Guillaume et après je te passe Eric, d'accord? Ça marche. Vas-y Guillaume, Guillaume ou quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? T'as quel âge? T'habites où? Alors j'ai 26 ans, j'habite à Metz et toi t'habites où? Moi j'habite à Paris. Enfin, okay. Bah, c'est mitigé quoi, tu vois. Je suis mitigé quoi. C'est mitigé. T'as des frères et sœurs? Ouais, bah c'est quoi cette question de pélo là? C'est des frères. Oui, on est 7 dans la famille, on est 7. Ah bon, on est 4 dans ma famille. Arrête. Ouais. T'es le plus vieux ou t'es le plus jeune? Je suis le entre les deux. En fait. Ouais, voilà. T'es en fait entre à moitié entre tes 4 quarts quoi, t'as un 4 quarts. Voilà. T'as un 4 quarts. Et t'es comment? T'es beau ou pas? Est-ce que t'es beau? Est-ce que toi t'es beau? Ouais, je suis beau, je suis blond aux yeux bleus. Oh, j'aime pas les blonds, laisse-moi, je préfère les bruns. Oh, merci, c'est gentil. Next. Merci, c'est gentil, t'as adoré. Non, mais apparemment, t'as une belle voix, t'as l'air vachement gentil quand même. Merci, toi aussi, t'as une très belle voix. Et je t'en remercie, Guillaume, c'est très gentil de ta part. J'aimerais bien faire un petit peu de temps. Moi, je suis une grave une blonde, je suis une pulpeuse, ça, je fais pulpeuse de tous les niveaux. Je suis une pulpeuse, une pulpe ambulante. Allez, hop, terminé, Guillaume, t'as tenté ta chance. Eric, à ton tour. Oui, bah salut Eric, ça va? Salut Laura, oui ça va, très bien. Tu vas bien? Oui. T'as quel âge? J'ai 36 ans. T'as quel âge? 36. Mais t'es trop vieux, laisse tomber toi. Ah ouais, t'es dans les vieux points pour la bière. 36 ans, mais 30, tu ressembles à quoi? C'est quoi ton physique? Bah disons, je fais 1m60 pour Oh t'es trop petit, non laisse tomber, t'es trop petit. tu fais ma taille, laisse tomber. Non mais... Non, sérieux, j'ai un corps bien, quoi. Je fais de la muscu, je m'entretiens. De quelle couleur sont tes yeux? De quelle couleur sont tes yeux? Yeux verts. Ah, t'es brun? Non, je suis blond. Laisse tomber. Moi, je pense que ce soir, je vais marier avec je pense que je vais marquer avec Toff ou avec Mickaël, je pense. Hein. Non, non, arrête, ça, arrête, comme ça. Sur un scooter qui a du mal à la démarrer. Mais quel scooter? Mais moi je veux... t'as pas une voiture. Bien sûr, hop, mais... Terminé, Eric. Oh, laisse tomber, allez, attends une seconde, attends une seconde. Il y en a Roger avec nous maintenant, là. Bonsoir, Roger. Oui, bonsoir. C'est quoi oui. Ce bordel? Bonsoir, Laura. Salut, Roger. Oui. Tu ressembles à quoi? C'est quoi ton tour de poitrine? Comment? C'est quoi ton tour de poitrine? Mais je n'ai pas de tour de poitrine. Et ta voix, c'est originelle ou c'est annoncée? Non, c'est ma voix normale. C'est ma voix normale. Tu fais penser à un pingouin. C'est vraiment ta vraie voix? C'est ma voix normale. Arrête. Voilà. Tu es de quelle couleur de cheveux? T'as pas honte? Tu es de quelle couleur de cheveux? T'es vraiment, t'es blond. Non, moi, je suis brun. Et j'adore ta voix. Je suis brun aux yeux bruns. T'as une voix trop sexy. Merci. Et on peut se revoir à un moment donné ou pas? Ben, on faudrait commencer par se voir d'abord. On peut se voir à Paris ou pas? Bah si tu veux. Ouais, t'habites où? Moi je suis dans le 18e. Arrête, moi je suis dans le 16e. Non, c'est vrai. Ah, je t'ai dit. Cool. Oh, c'est trop bon. Tu crois qu'on peut baiser? Ouais, moi je sais pas. Est-ce que tu baises? Bah si je te pose la question. Bah je sais pas, attends, c'est un aller-retour. Hein. Bah oui, effectivement. T'as pris un billet d'avion ou pas? Hop, terminé. Attends, suivant, on a Roberto avec nous, là. Bonsoir, Roberto. Allô, bonsoir, ma oui, j'ai du temps. Bonsoir. Voilà, ça me fait plaisir de vous appeler, j'ai entendu, vous étiez un peu speed aujourd'hui, que c'était l'émission qui allait vite, qu'il y avait des gens qui parlaient très vite. Oui, elle va vite. Bon, Roberto. Je dois vous appeler maintenant. Roberto. Oh, putain. Ma oui. Je te passe Laura, Roberto. Ma oui, non, tu me passes pas. Mais c'est pas Top, c'est Roberto, Laura. Radio, qu'est-ce que c'est ta cochonne? Et je voulais savoir d'abord si tu es prêt pour faire les films avec moi. Mais quel film, vas-y, rentre. Moi, j'ai fait des films de l'art, que ça va être beau, que ça va être magnifique, que ça va être quelque chose de grandiose, que tu vas voir les premiers rôles. Tu te fermes ta gueule quand je parle. Mais même si c'est moi sans parler, je t'ai dit, là. Qu'est-ce que tu veux, petit salon? Mais toi, t'as un problème, toi. Moi, non, je n'ai pas de problème. Moi, je suis le réalisateur de très, très grands films. Mais t'as un problème. Des films magnifiques, avec de l'art, avec de la fesse. Depuis quand la femme, elle a le droit de... Il est pas bien celui-là. Mais ça alors, va pas, toi. Bon, je veux savoir, tu es prête à faire les films ou pas? Mais quel film? Ton film, le film de l'art que l'on va faire ensemble. Mais est-ce que tu es prêt? Mais je te laisse parler, tu réponds par oui ou par non. Mais oui, je veux faire le film ou non, je veux pas faire les films. Oh non mais, tu débites, hein, moi je suis speed, mais alors toi moi je suis pressé, moi j'ai fait les films à tous les bras. Ah oui, t'es pressé, t'es une ange pressée, c'est pas possible. Voilà, bon, ah, alors, putain. Écoute-moi bien. On les fait les films ou on les fait pas les films? Mais quel film? C'est un film de l'art. Bon, alors, je t'explique les scénarios. Mais il est malade. Les scénarios, ça va être parfait. C'est malade. Un cœur comme ça, d'une grande partout, où il y aura des dizaines d'hommes autour de toi qui n'auront qu'une envie, c'est de te démonter, de te déglinguer, de t'exploser. Roberto, ça va aller. Bon, merci beaucoup. Il y a l'apothéose qui doit arriver. Il est malade. C'est le meilleur, ça, je pense. C'est quoi l'apothéose? L'apothéose, c'est le moment où ces dizaines d'hommes qui seront au milieu de ces gangbangs, ils vont lâcher. Et c'est là que des litres et des litres et des litres de sperme vont venir s'éclater sur sa gueule. Roberto, merci beaucoup. Moi, je t'en prie, j'ai encore besoin de moi, tu n'hésites pas, tu me rappelles. Oui, bah vous avez choqué malade, Lilou, là, la pauvre, là. Vous avez déjà vu Lilou, Roberto? Non, mais si elle veut faire les films, je pense qu'on peut... Attendez, je vous la passe, Lilou, je te passe Roberto. Allô? Oui? Oui, alors c'est possible, on fait les films ou pas? Lilou, n'écoute pas, Lilou. Tu es comment? Décris-toi, montre-toi, et la salope, c'était. Alors, bah, tu vois une planche de pain? Oui, je vois les planches de pain, bah, oui. Là, c'est une planche de pain. Mais eh ben, des c'est parfait, comme ça, les steaks, de l'homme, il pourra s'étaler, se grandir sur toi, et après, on mettra une autre petite salope dessus pour arranger les choses à la fin. Un sandwich. Pas parfait. Ouais, ok, d'accord. Bon, mais merci, Roberto. Merci pour... C'est toujours avec plaisir. Oui. Allez, au revoir, hein, Roberto. Hein. Oui, bonsoir, et puis vous me laisserez le numéro de l'autre si jamais elle veut me rappeler. Hein. D'accord, on va faire ça. Allez, au revoir, Roberto. Au revoir. Bon, alors, Laura, t'as choisi le speed dating, tu veux qui? Ah bah déjà Roberto c'est bon, parce que alors lui il débite mais il sert à rien quoi. Heureusement qu'il est arrivé à une planche de bain parce que lui il veut tout et n'importe quoi. T'as vu, c'est fatigant quelqu'un qui débite comme ça à mort. Hein. Ouais mais par contre moi je suis plus gentil que lui quand même. Bon il était gentil, il te proposait du travail. Mais il te proposait du travail. Bah je vais pas faire le trottoir quand même, attends. J'ai donc ça n'a rien à voir, mais il voulait faire des films tu de cul. Tu m'as vu quand j'ai vu. Non mais je tiens pas à le voir. Hein. Bon Laura tu veux qui? Alors tu choisis qui? En fait, je veux aucune, il m'intéresse, aucun m'intéresse. Ah putain. Anthony, tu veux pas tenter ta chance? Ah si, moi je veux bien, moi. Ah, attends, alors je te passe Anthony, alors c'est le plombier. Vas-y, on y va. Il a le bon tuyau, quoi. Oh putain. Ouais, ça va, franchement. T'as dit, tu vas bien, toutes les caractéristiques. Ça va et toi? Ouais, ça va et toi? Ouais, bah tranquille, hein. Tu fais quoi de beau? T'as quel âge? Putain, elle est calme. 19. Oh, me laisse tomber, mais non, j'en ai 20 ans plus que toi. Ah ouais, j'ai 10 ans plus que toi, j'ai 29 ans. Oh, après, non, je te jure qu'après... Ah, je te jure que t'as l'âge de mon petit frère, non, je peux pas. T'as vu, elle est calme. C'est juste question des principes, t'as l'âge de mon frère. Anthony l'a calmé. Ouais, tu vois, de mon frère. Dommage, hein, parce que... En tout cas, je veux dire un truc, c'est vraiment, t'as une voix sympathique et reste humble comme t'es. Débite pas comme moi parce qu'en tout cas, t'es calme, t'as l'air gentil et franchement, continue à être comme ça et j'espère que pour toi, tu seras le bonheur parce que t'as l'air, je te connais pas du tout, mais t'as l'air d'être vraiment un mec bien. Bah, je te remercie en tout cas toi aussi, t'as l'air d'être cool au final. Bah je suis cool, ouais, par contre je débite trop, Laura, mais c'est mon problème. Ouais. Attends, on a Monsieur X également qui est là. C'est vrai, vas-y, passe-moi encore. Oui. Bonsoir Monsieur X. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, salut, ça va et toi? Oui, ça va bien. Monsieur oui. X? Ah, oui, t'as fait des films de X? Non, moi je suis témoin officiel dans les émissions que j'ai fait. C'est Rocco Siffredi. Il faut l'écouter parler sinon Laura, hein, sinon j'y arriverai pas. Mais j'adore ça, va, tu m'excites. Mais j'espère bien que je t'excite, hein, parce qu'en fait je suis juste venue porter mon selfie. Tu m'excites. Bah tant mieux. Bon. Arrête, tu m'excites. Bah parfait, arrête de le répéter, viens là, bouge-moi le gland qu'on arrête d'en parler. C'est quoi cette voix? Bah c'est ma voix, en fait je ne souhaite pas être reconnue. J'adore, c'est comment physiquement? Je suis super bien gaulé, je suis un vrai beau gosse. Mais t'inquiète pas, de toute façon, quand tu seras à quatre pattes et que t'auras ma bite au fond du cul, t'auras pas bien de savoir. Oh, Monsieur X! Oui. Tu peux te la fesser? Mais t'inquiète pas, tu vas la sentir maman et tu garderas la marque pendant 10 jours. Oh, arrête tes conneries. Tu verras comment je vais te la mettre la fessée. Bon, ça ira, monsieur X, merci. Merci de passer. Hein. Merci, monsieur X. Ah bah si, bah si. Oui, mais enfin vous avez fait connaissance là, non? Bah non, oui. On n'a pas échangé le numéro de téléphone, on s'est pas donné rendez-vous dans un hôtel minable, où je pourrais la faire couiner comme une chienne pendant toute la nuit. Bon, ça ira. Bon, merci monsieur X, d'être passé, hein. Vous revenez quand vous voulez, mais pas trop vite, hein. Oui, surtout on ne vient pas trop monsieur X. Pas trop vite, le temps de jouer, et puis oui, c'est ça. J'ai besoin d'une autre petite pute, et je reviens chez vous. Monsieur X, vous avez vu Lilou? Oui. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est bien jeune et qu'il faut encore qu'elle mûrisse un peu. Hein. Là, elle est encore un peu verte. Je suis une femme, j'ai mes règles, ok. Elle est un peu verte. C'est vrai. C'est pas parce que t'as tes règles que tu t'es déjà fait démonter le cul à coups de cric, hein, ma chérie. Par contre, le cul, c'est les hémorroïdes, mais effectivement, oui, de partout, t'inquiète. Je pense que cette petite impertinente est en train de me chercher, hein, et qu'elle souhaite se faire ramener. Non, bon, ça ira, merci monsieur X, on va pas vous déranger plus longtemps, je sais que vous êtes très pressé. Et vous avez des enregistrements avec Julien Courbet? Non, c'est fini, là, on a fini de tourner, donc là, faut que je me détende un peu. Ah, mais justement, mais je crois que ça va recommencer, il faut refaire des prises, là. J'ai besoin de faire expliquer le temps, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, très bien. Tiens, il y a un message de Super Puceau qui dit les films de l'arte, pas ceux d'Arte, évidemment, ne pas confondre. Ah, bah non, bien sûr, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, effectivement, oui. Bon, merci monsieur X, hein. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Je l'imagine, j'imagine. Il y a Megumi aussi qui dit moi je préfère me retrouver coincé dans une cave avec Toff le pervers plutôt qu'avec Laura. Et Miss Frizzy qui dit débarre, je suis plié. On l'a trouvé plus coquet que Laura, c'est Roberto. Oui, c'est vrai qu'il est en pleine forme lui aussi, Roberto là. C'est Benoît du 24, Laura elle parle, mais je suis sûr, ça doit pas bouger au lit. Ah, Laura. Oh l'enfoiré. Ah, apparemment, hein. Je pars chercher la boîte de Doliprane avec le retour de Laura. C'est Eric qui disait ça. Laura, moi, ton sexe, j'en fais du spaghetti, moi. Laura? Oui. J'ai eu apparemment sur Twitter, il y a un buzz qui dit que... C'est pas gentil qu'est-ce que... Moi, je suis gentil en plus. Non, mais il y a beaucoup de gens sur Twitter qui disent qu'apparemment, t'es très occupé ce soir et qu'on va pas trop te déranger parce que t'as beaucoup de travail. Ouais. Pourquoi? En fait, on me prend pour une prostituée. Mais non. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Et apparemment, t'aurais beaucoup de travail ce soir. T'es en train d'écrire un livre et on va te laisser travailler pour que tu puisses sortir ton livre rapidement. Ouais. Bah non, parce qu'en fait, je passe à soir avec vous ce soir, donc. Non, mais justement, c'est pour ça. C'est très gentil de ta part, hein. Mais je vous ennuie. Pas du tout, Laura. Voyons, t'es toujours la bienvenue chez nous. Et top, faut qu'il arrête son côté pervers. Parce que franchement, ça plaît pas aux auditrices. Hein. Faut qu'il arrête. Hein. Il est comme ça. Hein. Mmh. Mais enfin, si c'est pour te plaire, je préfère pas leur plaire. Ah oui, un petit peu, effectivement. Passe-moi, Toff. Faut que je fasse une pause. Bon, Eric et Guillaume, malheureusement, vous avez échoué. Merci d'être passé. Vous revenez quand vous voulez. C'est pas grave. Par contre, je voudrais passer une petite dédicace, si possible. Vas-y, à une personne. Vas-y. Bah, à tous mes ouvriers qui travaillent pour moi, et s'ils écoutent la radio en ce moment, ils se reconnaîtront. Eh ben d'accord, pas de problème. Merci d'être passé, Eric. Passe une bonne soirée. Merci bien. Au Allez, revoir. À bientôt. Ciao à toi. Guillaume, tu voulais dire? Oui, moi aussi, je peux lancer une dédicace et un Vas-y. Petit dédicace à Vacher aussi, si c'est possible. Eh ben, une personne, la dédicace, Guillaume. Ouais, je passe le bonjour à Sandra Zilioto. Ouais. Et je voulais lancer un défi à Vacher, si c'était possible. Bah, c'est mieux de l'appeler, non? Bah, par la radio, c'est mieux. C'est ouais, bah, en fait, tu sais qu'à sortir, il dort, hein, donc. Ah, oui, mais peut-être qu'il écoutera demain matin, donc voilà. Bah oui, oh là là. Oui, bah, bien sûr, il va arriver exprès à 3h, c'est juste pour écouter l'émission hier soir. Bon, c'était quoi le défi toujours, on sait jamais? En fait, je voudrais savoir si ça m'intéresserait d'inviter Stéphanie de Secret Story 4 au restaurant. Ah, demain, attends une seconde. À midi. Ah, il vient de me dire non. Ouais. Non, il vient de me dire non, là, non. Il a dit va chier. Ouais. Ou alors m'inviter moi au restaurant, même s'il veut, il n'y a pas de problème. Attends. Non plus. Par contre, t'as une chance avec Lilou, Guillaume, monsieur. Ah oh bah moi, il n'y a pas de soucis, hein. Je suis en bas de la radio, donc il n'y a pas de soucis. Ouais, mais non, tu touches pas à Lilou. Non, je rigole. Ah ouais, en plus, il est derrière toi, là, Lilou. Ouais, je le sens. Ah, très bien. Bon, ben, je voulais dire, voter pour Anaïs demain dans Secret Story. Ouais, mais Guillaume, c'est après, il y a des gens qui ont des trucs à faire aussi, hein, plutôt que de regarder la télé, hein, surtout non, Secret mais Story. Il faut qu'il vote pour Anaïs, il faut qu'Anaïs gagne. Je sais que c'est quelque chose de vital, hein, si elle n'est pas élue, évidemment, c'est un drame. Le pays ne s'en remettra pas. Oui. Bon. Guillaume. Tous mes préférés ont été éliminés. Ouais. Ah ouais, je sais, mais il reste Lilou, je te la repasse justement, tiens, regarde, comme ça tu pourras draguer un petit peu, là, en plus, il t'attend en bas de la radio, donc c'est parfait. Anthony, dans quelques instants, on va te reprendre. Donc, toi, t'es plombier là et t'as aidé ta voisine à jouir, hein, c'est ça, Anthony? Ouais, au final, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Il a débouché la tuyauterie, quoi. Voilà, c'est ça. On va en reparler dans un instant. On va encore appeler quelques personnes là pour essayer de d'échanger les enfants de Toff là pour le week-end. Hein, ils seraient tranquilles. Et merci, vous êtes des os. On est. C'est Laura qui m'a mis dans un. Elle m'a tué, moi. Dans un délire différent là. Donc on est nouveau top tweet grâce à vous là. Merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. Il y a Danouille qui dit mort de rire avec Mickaël. Petit panda qui dit un coup de lance-flamme dans sa gueule. On finit avec le scout. Ah, lance-flamme, ouais. Le scout, il y a le stagiaire qui met de l'essence dedans là. On va le redémarrer d'ici quelques instants. Et puis on va s'écouter. Qu'est-ce qu'on va se mettre maintenant là? Il y a un truc. On se met le Prodigy là ou pas? Ouais. Vas-y Prodigy. Ouais ou quoi? Ouais. Fait péter le son. Bon alors attendez, parce que ça a été mitigé. Il y avait No Good et il y avait celui-là. Donc promis, je vous mettrai No Good la semaine prochaine. Alors si vous voulez. Et puis là, on va se mettre le son de Prodigy, celui que je préfère. C'est celui que je préfère. Voilà, vous l'écoutez maintenant. Il est 1h24 sur Fun. On est tranquille. Là, alors par contre, il va falloir s'installer tranquillement. Si vous êtes dans le lit, vous mettez le casque. Un tout petit peu plus fort, pas beaucoup, mais un petit peu plus fort. Si vous êtes dans la voiture, vous êtes au taquet, tout simplement. Vous êtes là tranquillement, soyez concentrés quand même. Vous mettez un petit peu plus fort également et vous surkiffez. Écoutez, c'est surtout quand il y a un moment où il y a la meuf qui fait la la. C'est Mickaël de Limite sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. On est ensemble jusqu'à 2h. Oh putain, ça fait du bien le son de Prodigy à l'instant. Smack my bitch up sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Plein de messages qui sont arrivés. Il y a Laurine qui dit coup de cœur sur ce son et pourtant il est bien vieux. Hein. Blast Bleu qui dit bon le son là, Storm Michael. Ryan qui dit pas mal le son. Mister Steven sur le Twitter qui dit c'est vrai que c'est excellent là. Antoine qui dit je suis dans le lit avec ça à fond. Ah, ça fait plaisir. Hein. Oliver aussi qui dit moi Lilou, je lui propose de venir manger dans le restaurant où je bosse. Alors pas de problème, moi je veux bien te la déposer puis je mange en même temps mais sur la table à côté. Hein, vous emmerdez pas. Ouais, non. Ah bah ouais. C'est mort. Bah quoi? Tu prends le taxi, c'est bon, t'inquiète. Mais non, moi je te dépose, j'insiste. Non, je te ramène, non, c'est non, moins cher et tout. Non, il te faut un chaperon, tu peux pas aller. Exactement. Voilà. Non, mais je suis grande, je peux y aller toute seule, il y a pas justement. On t'a dit que t'as besoin d'un chaperon. Voilà. Et il y a Totoni aussi qui dit trop frais le son. Ouais, il est bien, ça fait longtemps ça qu'on l'a plus mis. Je crois que le dernier qui a mis ça c'était Max en fait à l'époque sur Fun. C'est pour vous dire que ça date. Pour ceux qui l'avaient connu évidemment. Et puis Mickaël, c'est bon ça le son là de Prodigy à l'instant et ça soulage les oreilles, c'est Let's Be Freaks. Bon ben c'est cool, vous avez bien kiffé, tant mieux là. On a mis un petit son un peu spé ce soir. On en mettra d'autres tout à l'heure aussi avec évidemment le son de Showtech qui arrive. Le son de Showtech avec Booyah. On va quand même prendre son avis, on sait jamais. Laura, t'as aimé toi Prodigy ou pas? De quoi? T'as aimé Prodigy? Ouais, franchement ouais, j'adore quand tu mets des sons comme ça parce que franchement ton son de merde des fois ça c'est un peu chaud quoi tu vois. Et elle demande Kinvé hein, donc il faut quand même le savoir aussi. Non mais pourquoi vous mettez pas Kinvé genre tu sais genre la note d'un son qu'il a fait, franchement ouais, elle, c'est une tuerie ça la chanson, franchement ouais. J'aime bien. Attends moi. Une seconde. La vie du bon côté. Attends, je te mets du bon côté du standard là. Voilà. Bon, attends, on va récupérer Anthony dans quelques instants, puis on fait encore un petit appel, Top, là, pour essayer de refourguer tes enfants pendant le week-end, puisque on a échangé nos parents, et bien ça existe vraiment aux USA, puisque les parents adoptifs avec qui ça ne se passe pas bien, en fait ils peuvent les échanger à nouveau les enfants. Donc du coup, avec Top, on essaie de refourguer les enfants de Top depuis tout à l'heure. Ça se passe pas très bien pour l'instant, faut avouer les choses quand même. Des enfants pervers, c'est toujours dur. C'est ça. Donc on va appeler maintenant. Là, c'est parti. On y va. Et ça sonne. Parfait. Merci pour les numéros également que vous nous envoyez tous les soirs de gens qui sont encore debout à cette heure-ci là. Parce que c'est vrai que quand on appelle au hasard, c'est un peu tendu. Allez. Allô ? Oui. Oui. Bonsoir, madame. Oui, je vous écoute. Oui. Voilà. En fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez des enfants. Non, monsieur. Ah, vous n'avez pas d'enfant. Et ça vous dirait pas d'en avoir un pour le week-end? Non, merci. Ah, parce que le mien est un petit peu insupportable, donc du coup, je me dis que peut-être vous pourriez me le prendre pour le week-end. Oui, au revoir, monsieur. Ben non, raccrochez pas, madame. Ah, merde, elle est partie. Bon, c'est pas grave, on va le rappeler. Mais il est gentil ton psy là, Toff. Ouais. Ça va, il est sympa. Hein. Ouais, mais j'en ai des pires. Hein. Bah oui, non, je sais bien. Ouais. Attends, on va la rappeler, la petite dame. Allez. Oui, excusez-moi, vous avez raccroché un peu vite. Oui. Oui, donc je voulais voir comment on pouvait s'arranger pour que vous me le gardiez juste pour le week-end. Mais monsieur, vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais pas du tout, mais vous voyez, il est un peu insupportable. Oui, mais écoutez, que ne cassez pas les pieds des gens, hein, embêtez quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, madame. Oh, dis donc, on peut pas rendre service. Elle peut pas rendre service, là. 5 minutes. Merde, quand même. Bon, c'est pas grave. On appellera d'autres personnes encore tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Anthony, de retour, donc, avec nous, là, qui est plombier, qui a aidé sa voisine à jouir. Dans le sens où il est plombier. Donc, il a été chez la voisine pour une réparation, c'est ça? C'est ça. Et donc, du coup. Ouais. Mais c'est elle qui t'a fait du rentre-dedans, en fait? Je me souviens plus. Ouais, c'est elle qui a commencé. Ouais. En fait, si tu veux, elle me faisait genre des petits sourires, des petits. Et après, elle lui a rentré le tuyau. Ouais, voilà, puis elle avait des petites phrases aussi coquines, je trouve. Du genre? Ouais, vas-y, explique. Du genre, les plombiers, par exemple, ils ont une bonne position quand ils travaillent, tout ça, quoi. Ah, ouais, elle avait vraiment envie, quoi. Mais le pire, c'est que, t'es... ce qui est drôle, c'est quand même t'es maqué, c'est-à-dire tu dis, ouais, mais ma copine, comment ça va se passer? Et quand je t'ai présenté Laura, t'as quand même sauté dessus en disant, ah ouais, moi, je suis intéressé, moi, qu'est-ce qu'il y a, là? Non, mais Laura, c'était pour essayer, c'est qu'un jeu. Oui, ah bah bien sûr, mais si t'avais gagné au jeu, t'aurais pas dit non, hein. Ah, oh. Ouais, j'aurais dit non. Ouais, c'est ça, mytho, va. Bon, donc du coup, écoute, en même temps, là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'es mis dans la merde tout seul, hein. Il y a des messages qui sont arrivés, il y a Thomas qui dit j'ai trompé ma copine avec une femme mariée de 30 ans le jour du baptême de sa fille. Bien glauque. Dites-nous si vous avez déjà trompé votre copine, tiens, venez nous en parler, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez dit, comment vous êtes fait griller, dites-nous tout ça. On va poser la question, alors là je suis désolé, on va voir jusqu'à 2h du mat, mais Toff, comment ça s'est passé toi les fois où tu t'es fait griller? Où tu t'es fait griller, pardon. Oh bah, oh là là, ça dépend des filles, en fait. Voilà, imagine la pire manière, là, le truc, le dossier où tu t'es fait vraiment griller comme une merde et où tu t'es fait démonter. Y a la fois où j'étais dedans. Non, t'es sérieux, tu t'es fait griller par une meuf pendant que t'étais en train de niquer l'autre? Oui, enfin pas en train de... Non, j'étais pas en train de niquer, j'étais en train de me faire sucer. Oh putain, alors l'histoire c'est quoi? Tu vois, finalement, il y a pire que toi, on te dit, hein. Ah, apparemment, ouais. En tout cas, toi, tu t'es pas encore fait griller, toi. Ça va venir, mais tu t'es pas encore fait griller. Et donc, vas-y, Toff. Non, je suis malin. Bah, en fait, c'était dans une soirée chez des potes et tout. Et donc, il y avait la chambre. Et donc, je suis parti avec une meuf dont on était bien bourré. Un peu à l'American Pie. Non, pas à l'American Pie. On était juste bien torchés. Et ça faisait super longtemps qu'on se chauffait l'un l'autre, mais tu vois, il s'était jamais rien passé. Ouais. Juste avant, il s'est brûlé dans la tarte. Bon. Et donc on s'est chauffé, puis à un moment en fait on s'est retrouvé seul dans une chambre et voilà, elle a commencé à me sucer, sauf qu'à ce moment-là la meuf avec qui j'étais venu à la soirée, qui me cherchait parce qu'elle voulait rentrer, est entrée. Et mais donc, c'était ta meuf ou c'était une meuf qui était venue? Non, c'était une meuf que j'avais pris pour la soirée aussi. Oh oui, mais c'est pas pareil ça, moi je pensais que tu t'es fait griller par ta meuf, pas une meuf n'importe laquelle. Non, par ma meuf, je me suis jamais fait prendre sur le fait, mais elle a toujours fini par découvrir à un moment ou un autre. Sans déconner, c'est-à-dire que quand même... Je suis pas discret de toute façon. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même le mec le moins discret de la Terre. Hein, ouais, tu vois, genre je suis capable de laisser la facture de l'hôtel où j'ai été baiser une meuf dans l'appart où je vis avec une. Et pire, toi qui est quand même assez exceptionnel, c'est que. Mais non, mais c'est qu'il est tellement con. Attendez, parce que je suis en train de voir Lilou qui est en train de se mettre des gouttes dans les yeux, comme ça, c'est normal. Non, j'ai des lentilles en fait, elles dessèchent, donc je suis obligée de mettre des larmes artificielles. Qu'est-ce que c'est que ces dangers? En fait, je pleure. C'est Polo qui t'a tapé, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Bon, donc du coup, c'est donc Toff reçoit tous ses messages sur son iPhone, tu vois, il y en a 100. Puis parfois, si tu as son iPhone qui est là à côté, tu passes à côté, ouais, vas-y, viens me baiser, ou des trucs comme ça, tu dis bon. Et puis parfois, il laisse sa propre meuf jouer avec son téléphone, tu sais, elle joue à un jeu, n'importe quoi. Donc à tout moment, un SMS peut arriver comme ça, en disant, vas-y, viens, ou alors c'était bien hier soir, ou putain, j'ai aimé quand tu m'as baisé hier soir, enfin, tu vois. Et sa meuf, elle joue au jeu, et voilà quoi. Je le soupçonne d'avoir des astuces. Il doit dire ouais non c'est Polo qui doit m'écrire. Je suis sûr qu'il doit avoir des trucs comme ça. Parce qu'en fait déjà j'ai un truc, c'est que je connais à peu près tous les numéros par cœur. Donc il met pas de nom. Donc il y a quasiment aucun nom dans mon téléphone. Si tu prends mon téléphone, il n'y a pas de nom. Qu'est-ce que c'est que ce psycho quoi? Ce mec a vraiment un problème dans sa tête. Donc, comme ça, ça m'évite de devoir dire qui c'est. Mais oui, bien sûr, évidemment, oui. Bon alors, Antoine qui est avec nous là, qui voulait réagir. Antoine, salut Antoine, 26 ans de Paris, comment ça va? Ouais, très bien, au top. Bon, bienvenue à toi. Tu voulais réagir, Anthony. Toi aussi, t'as la même histoire que lui. Enfin, à peu près. Ouais, en fait, moi, j'écoutais la radio et je vois Anthony, plombier. Moi, je suis électricien. Ouais, pareil quoi, enfin pareil. Putain, j'ai raté mes vocations. Ouais, mais j'ai exactement le même truc. Moi, je fais des interventions à Paris et tout. Ouais. Et je vois, j'ai des petites gonzesses qui arrivent. Hey, monsieur, moi, j'arrive pas à mettre la clé dans la serrure, tout ça. Mais t'es électricien, pas serrurier, toi? Moi, je suis serrurier, moi. Ah, t'avais pas dit électricien? Si. Non, je suis serrurier. Ah, bah, il me semblait que t'avais dit électricien. Bon, soit, c'est pas grave, ouais, donc serrurier. Je suis serrurier. Et j'arrive sur les interventions, machin, et on me dit, on fait des blagues avec mon sexe. Enfin, genre, je comprends pas, quoi. De quoi? Genre, tu ouvres la porte avec ton sexe? Ouais, mais montre-moi ton gros bout, mets le truc dans la serrure, enfin... Non, mais t'es sérieux avec ça, t'as regardé trop de films de cul, toi, alors. Non, mais attends, moi j'ai le même problème qu'Anthony, quoi. Mais tu t'es déjà vraiment tapé une meuf? Enfin, je veux dire, une cliente? Ça, ouais... Tu t'es déjà fait payer en nature ou pas? Non, pas vraiment. Oui, désolé, monsieur, je n'ai pas de liquide sur moi. Mais vous en avez, vous? Non, mais... J'ai essayé d'éviter. Ah oui, c'est mieux d'essayer d'éviter, oui, bah oui, mais bon, sauf quand t'as pas le choix, quoi. Après, je me fais engueuler par le patron et tout, quoi. Sans déconner, bah oui, mais évidemment. Pourquoi tu n'as facturé que moitié prix? Je comprends non, pas. Elle était sympa, je comprends pas. Ouais, c'est ça, elle avait vraiment pas de plus, là, j'ai pas pu faire mieux. Il y a Maxime aussi qui dit, j'ai trompé mon ex pendant 3 ans avec plusieurs filles. Quand ces filles l'ont dit à mon ex, elle ne les a jamais crues. Big up la naïveté. Putain, quel cocu celui-là. Et il est où Maxime là? Bah je sais pas, il est où, il a juste envoyé un message sur Twitter. Danoï qui dit, j'ai trompé ma copine en vacances avec 2 nanas, mais elle aussi, donc ça tombait bien. Oui, bah là, voilà, comme quoi finalement vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Hein. Fabien aussi qui dit, pour la faire taire, s'il te plaît, je vais péter un plomb. Bah Laura, elle a plus rien dit, là, Laura. Hein, Laura, t'es là, t'es calme? Moi je suis ici, il n'y a aucun mec qui est entré ici chez moi. Laura! Ouais, on t'entend pas là! Eh, dis donc! Ça va, mais tu vois pourquoi tu parles à 1000 à l'heure à l'antenne et puis là tout de suite quand on... Je sais pas, parce que moi je veux le parler, vous entendez pas, vous êtes sourds, vous, je sais mais pas. Mais si, nous on t'entend, et nous on t'entend, mais par contre quand tu parles avec ton... Attends, des bouts de caisse dans tes oreilles là, oh. Des bouts de caisse, Laura, parle-toi avec Thomas, hein. Ouais, c'est bon, En fait, Laura joue un rôle, hein, puisque quand elle était en train de parler normalement, quand elle parle avec son pote là en antenne, du coup elle parle normalement, tu vois. C'est ça qui est assez particulier, et dès qu'elle est à l'antenne... Laura, tu te calmes un peu. Oh, je supporte pas. Ouais, ça va ou quoi, bien? Ouais, ça va, ouais. Ça va trop bien, toi, ouais. Laura, dis-moi. Laura. Je t'écoute, dites-moi tout. Ce soir, je suis ouverte, je suis oh well. Ouais, bah écoute, malheureusement, Laura nous a quitté, Antoine. Ah merde, ah oui. Ouais, ça a coupé. Un drame, une catastrophe, la connexion, Anthony, la ligne. Anthony, il est où là? Il est là, Anthony, t'es là, Anthony? Ouais, je suis là, ouais. Ouais, Anthony, en plus, moi, je suis d'accord avec lui, ouais. Et toi, t'as eu le même problème que moi, en fait. Ouais, c'est ça, et puis en plus, moi, je travaille sur Paris aussi, donc je connais bien les clientes de Paris aussi. Oui, et puis l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi dans la ville, hein. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que sur Paris, les meufs, elles y vont des fois, hein. Je peux te dire qu'elles y vont. Ouais, mais c'est normal, mec, t'arrives juste pour ouvrir avec ta pauvre radio la serrure, tu lui demandes 600 euros, c'est normal que la meuf, elle te dise, bon, écoute, vas-y, je te fais une pipe, tu me fais moitié prix. C'est normal, c'est genre mais toutes oui. Les meufs, pour 600 balles, elles peuvent devenir putain soir, mais... quoi. Mais non, mais c'est... Oui. Anthony, comment tu gères ça, toi? Parce que moi, c'est un truc, ça m'emmerde, quoi. Enfin, je sais pas comment faire, parce que... Moi j'ai une copine, je peux pas la tromper avec une cliente qui ouvre sa serrure, quoi. Enfin... Bah attends, bien sûr que si, qu'est-ce que t'en as à foutre, elle le saura jamais. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle le saura jamais? Comment que tu... T'es bien placé pour parler, tu t'es toujours fait griller, toi. J'ai une éthique, mon gars, moi, j'ai une éthique. Mais tu fais bien, Antoine. Mais Anthony, lui, il s'en branle, apparemment, ça l'a pas empêché de se taper sa voisine. Hein. J'ai une éthique, mon gars, non. J'ai une éthique. Ouais, moi j'ai une éthique, moi. Ouais, mais si t'as une éthique, t'y vas pas, et puis c'est toi. C'est-à-dire que soit t'en as rien à foutre et t'y vas, tu prends ton pied, soit t'en as quelque chose à foutre et tu fais attention. Bah une fois j'ai dérapé, mais Ah quand même. Ouais, mais une fois c'est quoi? Une fois ça compte pas. Bah, comment ça, une fois ça compte pas? Évidemment une fois ça compte. Mais non, oh là. Mais si, ça compte. Mais bien sûr que ça compte. Non mais c'est vrai. À partir bête. De 10 fois ça compte, voilà. mais oui, bien sûr. Bon, Antoine, c'était quoi la fois où t'as dérapé? Ouais, c'est une cliente, problème, bah toujours pas problème de serrure, la fille est en galère, mignonne, il était tard et tout, et j'ouvre sa serrure, elle me dit, bah vas-y, rentre, prendre un verre, moi j'étais fatigué, je voulais pas venir. Ah ouais, c'est dû à la fatigue, quoi. Elle insiste, je viens, et puis bah ça dérape, quoi. Et après tu la bouillas. Ça dérape. Bah, ouais, c'est ça. Mais comme elle était, ouais, en fait, t'es rentré, quoi, elle t'a invité à rentrer, t'es rentré. Ouais, mais ça arrivait une fois. Hein. Ouais, bah encore heureux, hein. Et ta copine est là-dessus ou pas? Bah non. Bon bah très bien, bah t'as eu de la chance dans le concept. Bah, parce qu'il n'est pas le cas d'Anthony, parce que lui, elle ne le sait pas encore, mais ouais, Anthony, il a pas de moral, hein. Désolé Anthony, hein, mais Ouais, parce que. Le pire Anthony, c'est qu'il s'est tapé sa voisine, oui, qui est donc la cliente, et qui donc ouais, du coup va bouffer à la maison. Enfin, c'est un bordel là, mec. Ouais, mais c'est différent, parce que Antoine, il s'est tapé un mec, enfin une meuf comme ça. C'est-à-dire un mec. Il s'est tapé une meuf comme ça, voilà, dans tout Paris. Donc qu'est-ce que sa copine elle peut le savoir, alors que là c'est la voisine, c'est pas pareil. Ah ouais, là t'es bien dans la merde Anthony, hein. Ouais mais la fille, franchement ouais. La fille c'est une copine de ma copine en fait. La fille. Mec t'es Antoine, ah putain, mais le monde est petit, c'est clair. On est toujours persuadé qu'en fait personne connaît personne, et au final il y a toujours une enfume à un moment ou un autre. Ça te revient dans la gueule parfois un an ou deux ans après, si tu croises la meuf ou quoi dans une soirée. Ah ben attends, mais moi putain je suis la meilleure amie du mec de ta copine. Truc de ouf quoi. Ouais, c'est ça. J'ai halluciné quoi. Mais c'est pour ça aussi. C'est pour ça que moi je pourrais pas avoir des doubles vies, parce que je sais que poisseux comme je suis, c'est ce qui va se passer. Non mais c'est sûr, à 100%. C'est pour ça, alors je préfère être tranquille, droit dans mes bottes, et comme ça je suis tranquille. Ce qui est pas top, tu t'en vas en même temps, ils sont morts là. Donc, oui. Voilà, c'est ça. Anthony, bon courage. Ils disent de retrouver. T'as raison, ils disent de tromper. Ouais, c'est ça. Bon courage, Anthony, en tout cas. Tiens-nous au courant pour voir la suite, hein. Ouais, ça marche. Je peux lancer une petite dédicace ou pas? Ah bah écoute, vas-y, hein, du coup. Loin, hein. Ouais, pas trop loin. Hein. Ouais, bah écoute, je vais lancer une petite dédicace pour Nino. Très bien. Qui doit sûrement m'entendre, parce que c'est mon meilleur pote. À CC, à Dorine et à tout le monde de Dammartin, quoi. Très bien. Et eh ben le message est passé. Et à vous aussi, parce que franchement, vous êtes génial. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, Anthony. Génial. Oui, génial, c'est pareil. Et il est 1h45 du mat, il est tard. Ouais, là, je vais aller faire une empreinte, là, donc je dois aller bosser. Ouais. Ah, bah tu vas aller baiser, quoi, très bien. Bon, bah ça marche. Bon, bah salut Anthony, okay, salut Antoine. À bientôt à vous deux, bye bye. Une dédicace aussi. Allez, vas-y Antoine. Une dédicace à Féfé, Coclo, Sissi, Léo, et toute la bande, quoi. Très bien, eh ben, message passé également Antoine, passe une excellente soirée, bonne nuit plutôt même. Salut. Allez, ciao. Et bougez pas, dernière ligne droite de l'émission avec le top tweetos dans un instant. On aura aussi Laura qui est toujours avec nous évidemment. Oh. Et puis je vous avais parlé en début d'émission là de la version Pipo là de Polo Backer Matt. Ouais. Ah, avec Van Dack. Bon, on va se le faire dans un instant. Ce sera juste après le son de Backer Matt, on vous l'avait demandé. Tiens, on va se le mettre maintenant. C'est Van Dack sur Fun Radio. Bonne soirée. Et encore un son que vous avez découvert sur Fun Radio à l'instant, Backer Matt sur Fun Radio, c'était Van Dyke, ça veut dire aujourd'hui, hein, donc en flamand. Et c'est hollandais, voilà. Et puis vous savez, vous connaissez évidemment Polo avec son pipeau, son célèbre pipeau, ouais. Évidemment. Mmh. Et bien sachez qu'il s'est associé avec Backer Matt, hein, le hollandais, pour faire le nouveau, peut-être le prochain single s'appellera Zomer. Et alors, écoutez, Zomer. Ça ressemblera à ça, je l'ai en exclu total évidemment, comme Polo a participé évidemment, bah forcément. Alors écoutez. Ah quand même, c'est pas mal, hein. Ouais bah ouais. Un deuxième extrait aussi là, si vous voulez. Ah, c'est pas mal. Merci, ouais, bah on sent que putain t'as été en studio et tout pour faire ça là. Ah oui. Ah non, c'est non, mais franchement, oui, c'est bien. Non, la classe, hein, Polo. Ouais, clairement. Bon, du coup, on écoutera d'autres extraits dans quelques instants. Si vous voulez, évidemment, avec le pipeau de Polo, n'hésitez pas à demander, bien entendu. Bien sûr. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Je vous rappelle qu'on va faire le top tweetos aussi dans moins de 10 minutes. On saura quel est le meilleur auditeur de la soirée, quel est en tout cas l'auditeur le plus influent sur le Twitter. Je vous rappelle également que si vous nous faites un petit follow là sur le Twitter, eh bien, je vous en ferai un également. Il suffit simplement de taper Mickaël officiel sur Twitter maintenant ou sur Instagram. N'hésitez pas. Bon, allez hop, on va s'appeler. On va appeler maintenant des gens quoi, hein, pour essayer de refourguer tes enfants. Eh ben, allons-y. Voilà, on a essayé ça il y a quelques minutes. Puisque, apparemment, l'émission, on a échangé nos parents. Eh bien, aux États-Unis, ça existe vraiment, les parents adoptifs. Quand ça ne passe pas bien avec eux, en fait, ils peuvent échanger les enfants. Donc, du coup, Toff, évidemment, a décidé d'appeler des gens pour essayer d'échanger les enfants. Allez, c'est parti, on en appelle encore un. Allons-y. Parce que tout à l'heure, ça s'est mal passé. Je ne vais pas dire qu'on s'est fait raccrocher au lit, mais pas loin. C'est d'or ou quoi? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelais pour savoir si vous aviez des enfants. Pardon? Non, je voulais savoir si vous aviez des enfants. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, en fait, j'appelais pour savoir si vous aviez des enfants. Qu'est-ce que... Excusez-moi, je vous entends mal. Parce qu'il y a le petit qui hurle à côté. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, voilà, je ne supporte plus le mien. Et j'aurais voulu savoir si peut-être j'aurais pu vous laisser le mien et vous me prêter le vôtre pour le week-end. Monsieur, oui. Il faut pas déranger les gens à cette heure d'ici, monsieur. Vous avez bien compris, monsieur? Bah, je voulais pas vous déranger, monsieur. Je sais qu'il est un peu tard, mais voilà, j'ai vraiment besoin de décompresser ce week-end. Alors si vous pouviez me le garder, ce serait vraiment gentil. Monsieur, si tu veux bien que je vais appeler les flics maintenant, hein, parce que c'est trop tard maintenant, je travaille maintenant et les enfants ils dorment, d'accord? Mais oui, bah justement, si vos enfants ils dorment, peut-être que ce week-end ils pourraient faire connaissance avec le mien. Non, là, je pense qu'il est parti, c'est pas grave. On va l'appeler un autre, hein. De toute façon, on a des numéros que vous nous avez envoyés, là, notamment via le standard ou via le Twitter ou le Facebook. Là, c'est parti, on en appelle un autre. Merci pour tous les numéros que vous balancez d'ailleurs, hein, de gens qui sont encore debout à cette heure-ci. Et si vous en avez encore à balancer, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Allô? Qui parle? Moi je m'appelle Toff. Roberto. Non, Toff. Et je voulais savoir si vous aviez des enfants. Quels enfants? Moi j'ai pas des enfants. Ah, et vous en voulez pas un pour le week-end? Non. Ah bon? Parce qu'en fait, moi j'arrive pas trop à m'en sortir avec, alors si vous pouviez me le garder pour le week-end, ce serait sympa. Non, et c'est qui c'est qui parle? Bah moi c'est Toff. S'il vous plaît. Je m'appelle Toff. Roberto. Non, Toff. Pas Roberto, Toff. Vous avez trompé, monsieur. Mais non, je veux savoir si vous pouvez me le prendre pour le week-end. Comme ça, moi, je peux faire autre chose que de m'en occuper. Non, je comprends rien de tout. Mais est-ce que vous pouvez prendre mon enfant pour le week-end? Merde, raccroché. Attends, on la rappelle. Donc Roberto, apparemment. Roberto. Allez, on rappelle. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Et qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voulais savoir si vous pouvez prendre mon gamin pour le week-end. Je n'ai pas besoin moi de dire, voilà. J'ai pas compris. Merde, il nous va raccrocher, bon on a pas compris, on va la rappeler encore un coup là. Ouais, que je comprenne ce qu'elle me veut. Bah c'est ça. Allez hop, on rappelle encore un coup là, une dernière fois. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé. Oui, et qu'est-ce que vous voulez? Bah savoir si vous pouvez prendre mon gamin pour le week-end, madame. Oh merde, elle a nouveau raccroché. Oh putain, on va jamais y arriver là. Tant pis. Bon, il y a Mario avec nous là. Salut Mario. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, Mario. Tout va bien. Bon, très bien. Il y avait une petite vanne qui était faite de Polo là quand même, hein. ça mérite. Oui, Polo, je crois qu'il a l'habitude du groupe Pipo lui, hein. Oui, il joue bien du pipo, effectivement. Je crois qu'il aime ça, lui, hein. Ah oui. Bien sûr, évidemment, sûr, regarde, il a fait un nouveau duo là, avec Backermat là. Oui. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal. Et ma copine, elle me fait ça tous les matins. Du pipo? Oui. Mais c'est pas le même. Non, mais c'est pas le même, mais il aime ça, hein. Ah, bah j'imagine. Surtout quand il est en réaction. En réaction. Hein, oui, bon, bien sûr, évidemment. C'est pas le mec de toute une histoire. Vous êtes formidable. Vous. On a écouté dans les teubés. Mario. Oui. Est-ce que tu as participé à l'émission de télé récemment? Non. Ah, très bien. On croyait pourtant, hein, je pensais. Hein. Non, parce qu'il y a un mec qu'on a passé tout à l'heure dans un extrait, là. C'était ça, écoute. Et on dirait que ta voix ressemblait un peu, c'était dans toute une histoire. Une fois qu'on aura pris le petit déjeuner, un petit tour dans la salle de bain. Ah, oh, j'aime bien, moi, je te vois toute nue. Oh, c'est bien, ça. C'est pas vrai. Ah, si, c'est impeccable, ça. Je suis toujours ah, oui. Donc, c'est pas toi qui as dit ça? Ah, non, pas du tout. Ah, bah, je pensais. Moi, j'ai déjà fait les tours dans les salles de bain, même Mario dans la chambre. Mario, d'accord. Partout, les tours. Mario, ouais, où est Luigi? Oui. Deux fois la barre de plombier. Oui, hein, non, mais je sais. Lui, il est plombier, moi, je suis peintre. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Mario? Mais écoute, rien, il faut... Très bien. C'est très sympa, il faut continuer comme ça, je vous aime. Ah bah, c'est gentil, Mario. Merci, Mario. Il y a un truc que je voulais vous rappeler, là, toute l'histoire d'une colle, avec ça rentre par un trou, ça sort par deux trous. Oui. Et ça, moi, je vais essayer le matin, soir et midi, je me suis pété la gueule. Mais c'était une colle il y a deux semaines, ça, Mario, là. Oui, mais comme il fait le mec pour mettre dans un mais, trou, il sortit dans les deux. Mais dans un pantalon, il y a un seul trou dans lequel tu rentres tes jambes et puis après ça ressort dans deux trous. Oui, mais mec, t'es zombie, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Tous les pantalons, ils ressemblent à ça. Non, il y a que les filles qui font ça dans le lit. Et moi, dans le lit, j'ai essayé. Mais non, Mario. Oh là, ma copine, elle dit, tu fais quoi? Elle dit, mais j'essaye de sortir en même temps. Ben oui, du coup, tu tombes. Voilà. C'est très clair. Laura, t'es d'accord avec ça, Laura? Bah oui. Laura. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ah ben très bien, ben voilà, la bonne heure. Ouais, par contre, moi je suis pas d'accord parce qu'en fin de compte, il est un peu bizarre quand même, quoi, tu vois. Mais non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, franchement, bah, je peux lui parler vite fait. Je peux lui parler vite fait alors. Hein. Ouais, vite fait, dépassez-moi vite fait. Vas-y, Dario, vite fait. Allô? Allô? Salut, ça va? Ça va, et toi? T'as quel âge? Moi, je suis trop jeune pour toi, ma cocotte. Mais t'as un travail, non? Non, pas du tout. J'ai pas changé. Non, je change pas comme ça. J'adore ça. Mais t'as une voix. Ah, t'as une voix de papy un peu. Genre t'as une voix qui me fait pas du tout mouiller du tout dans ma culotte. Hein. Oh la grande classe. En bois de papy, ça m'étonne ma franchement, t'as l'air vraiment très gentil comme garçon. Honnêtement, je te jure, t'as l'air très gentil. Par contre, il y a un problème peut-être dans ta voix. Franchement, que tu sais, t'as des coachs vocales hein, qui sont là pour les gens. Hein, tu vois, y a pas de problème. Hein. Ouais, mais bon, non. En même temps, il n'y a peut-être pas envie, alors. Je peux t'aider, hein. One is gonna fall, gonna fall. Oui, non. Non, mais en tout cas, t'es célibataire? J'ai un petit ami. T'as réfléchi, hein. Il l'a dit trois fois que sa copine. Il a dit trois fois. Ta copine, elle va bien, c'est un ta copine. Mais ma copine, ma copine... Mais Laura, tu poses une question, elle n'a même pas le temps de répondre que t'enchaînes avec une autre. Ma copine, il est pas raciste, elle s'en fout, il aime tout. Ah bon, bah ça va alors. Pourquoi t'appelles la radio alors pour avoir notre objectif? Bah il appelait comme ça pour dire... J'aime bien fond radio. Mais tu fais bien. Je travaille avec, je conduis avec, je fais même l'amour avec. Ah, ça c'est bon ça, Mario, là. Bah ça fait plaisir. Bah merci d'être passé en tout cas, Mario, hein. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Tous les jours, c'est gentil. Même partout on se dit aussi, moi. Bah, c'est gentil, merci Mario. Passe une bonne soirée en tout cas et bonne nuit. Hein. Merci vous aussi et à bientôt, à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Oui, voilà, à on fait ça comme ça. Salut Mario, à bientôt, ciao à toi. Bon Laura, bonne soirée, enfin bonne nuit. Ouh. Ouais, bah, ça vous me laissez, ça y est, c'est bon. Ça y est, ah bah là, là, on va plier là. Ah ouais, là, il est temps. Vous êtes fatigué. Ah bah là, on va plier. Franchement, moi, je peux vous plier vraiment. Tu sais quoi, en fait, moi, j'étais en pleine forme là jusqu'à 00h50, puis on t'a pris, tu m'as fatigué. Ouais. Ah, franchement, vous êtes pas gentil. Au moins, je suis gentil quand même. Ah non, mais j'ai pas dit que t'étais méchante. J'ai dit que tu m'avais fatigué, ce qui n'est pas pareil. Moi, tu sais, tu m'as fatigué avec mon 405D, là, ma poitrine, là. Mais tu confonds, c'est Toff qui a dit ça. Je te repasse Lilou, Laura. Oui, passe-moi Lilou. Ok, bah, bonne soirée. D'accord. À bientôt, j'espère. Un grand bisou, Laura. Bisous, salut, à bientôt. Salut Laura. Salut, ciao. Salut. Et on a le top tweetos aussi là, Toff. Bien là, sûr, moi je suis prêt. Alors on en est où dans le top tweetos? Alors, périphérie. Numéro 5. Numéro 4. Paul PC28. Très bien. Numéro 3. Max 27. Oui, très bien. Numéro 2, après 3 forcément. Gamer du 772. D'accord. Et numéro 1. Nini Virginie. Bravo Nini Virginie. Et ben voilà. Et pourtant elle était mal classée tout à l'heure, hein, comme quoi. Ouais, hein. Mais comme quoi. Hein. Bah ouais, pourtant elle voulait pas. Mais elle se rattrape souvent sur la fin. Ouais, c'est ça en fait. C'est sur la fin quand elle. Tu sais, quand il y a beaucoup qui sont en train de dormir. Ouais, là, que, en fait, du elle, coup, a, elle, elle a compris que c'était une course de fond. Ah donc, d'accord. Donc, tu vois, elle envoie toujours un petit peu de message, mais sur toute l'émission. C'est ça. Et puis après, paf, elle dégaine. Bon, bah merci en tout cas d'avoir été là connectés ce soir, nombreux et nombreuses. On était en top tweet plusieurs fois grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis merci à Nicolas, Dams Nertic aussi, Toto, Super Puceau qui était là également, Elodie, Everything's Magic, Blast Bleu également, fan de Mickaël, Paul PC 28, donc qu'on vient de citer à l'instant puisqu'il est dans le top tweetos, Alexis, etc., etc. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve dimanche à partir de 20h. En pleine forme. Ouais. Merci à Kelly également qui termine sa journée aujourd'hui, qui ne reviendra plus parce que. Merci à vous en tout cas. Voilà, toi va la ramener, il va. Voilà, je vais la déposer au bord de l'autoroute. Exactement. Si vous êtes sur la 1 ou la 2, elle sera peut-être là à un moment ou à l'autre, on ne sait jamais. Voilà. Bon, bah, bon week-end Apollo. Bah merci à Kelly, puis à la dimanche. Voilà. et à dimanche à partir de 20h. Hein. Bon, évidemment, vous avez remarqué que Lilou n'a plus parlé puisqu'elle est bourrasse. Ouais. Donc voilà. Ah bah elle a bu, elle a bu. Hein. Elle est yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, son dernier yeah, jour. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Allez, bonne nuit et et rencard dimanche dès 20h et tout le week-end aussi hein, sur Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve avec toutes les photos. Bon courage demain aussi si vous allez sur au cours, au travail, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de Polo? Non, parce qu'il y avait on a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on a oublié, le générique? Ferme ta gueule de merde. Non, mais là, t'inquiète pas, moi, là, ma gueule, là, en tranquille. Fait, casser, oh non, il y a le générique qui est là, t'inquiète pas, là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'as fait sucer, toi l'enculé. Allez, Kelly, là. T'inquiète, t'en oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encule ton oncle toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Attention, on y va pour le refrain, Lilou. T'es prête? T'es prête? Toi l'enculé! Toi l'enculé! Toi l'enculé! Attention, c'est parti! Ferme ta gueule, gros enculé! Oh là là! Toi l'enculé! Voilà, et on va se quitter avec un dernier mail que je viens de recevoir d'Adrien qui dit énorme merci à toute l'équipe qui nous fait passer des bons moments de bonheur. Voilà, je suis agent de sécu, je travaille de nuit, je vous écoute toute l'équipe, merci à vous, super, un grand merci. Changez rien, c'est gentil Adrien, bon courage à toi, bon courage à ceux qui bossent là, les agents de sécu, la boulangerie, les taxis, bon, etc. quoi. Bon courage en tout cas, rencard dimanche dès 20h, les putes aussi. Rencard dimanche dès 20h sur Fun Radio, salut, salut, ciao. 23h, 2h. Mickaël, No Limit sur Fun Radio.